Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 15 de la saison 2013-2014 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, Jean-François Combe, le numéro 21, David Thibodeau, le numéro 7, Martin Véraud et le numéro 98, Alex Galipeau. Dernière analyse! Son haut tes bâtons de golf. Hey, t'as pas les bons, la bonne foule. Ça aurait pris... Ouais, les foules de golf, ouais. La foule plate. Les bâtons sont dans la shed. Ben ouais, bienvenue à cet épisode post-mortem de la saison 2013-2014. Ouais, on est éliminé. On est éliminé, mais c'est pas grave. Le Canadien a été éliminé finalement. Ben je sais que c'est grave. J'essaie de faire mon petit. T'es pas dans le bon board, toi. Ouais, mais j'avais besoin de ce son-là. Je te voyais avec tes sons de Pac-Man, j'ai comme ça marche pas. Non, ouais. Bienvenue tout le monde. Nous sommes une émission de discussion ouverte sur le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey. On vous en parle avec passion et boisson. Ouais. Comme toujours. Puis on va noyer notre peine aujourd'hui avec des petites gorgées sûres. Merci la boisson. Merci. Cheers, les gars. Bon, on a tout le temps. Si on s'était rendu plus loin dans, mettons, en Coupe Stanley, la finale de la Coupe. On parle toujours de la Coupe Stanley. On aurait célébré avec le champagne. Ouais, on aurait vraiment sabré ça. On aurait noyé notre choix. Sur l'équipement électronique. Mark, il est bon là-dedans. Il aime ça, ça revole. Il sabre la bière. Tu peux nous sabrer des bières, Mark, si tu veux. On s'en prendra cet été. On en sabre une coupe. Dans nos épisodes en vacances, on sabrera une coupe de bière. Ouais, effectivement. Ça serait bien agréable. Hey, les gars, avant de commencer, grosse nouveauté cette semaine. On a un nouveau membre de la soirée du podcast qui nous donne un bon coup de main sur les réseaux sociaux. Avez-vous vu ça? Vous avez sûrement remarqué. Avez-vous fait spammer votre wall Facebook? Avez-vous vu qu'on pose plusieurs nouvelles? Ouais. Jeff Mallette qui se joint à nous comme gars des stats, gars des nouvelles, va fouiller pour trouver les scoops pour nous. Puis le nouveau site va sortir l'année prochaine. Il va avoir une section blog. C'est lui qui va aussi gérer le blog. Fait que, bienvenue, JF. Bienvenue, buddy. Bienvenue. Ouais. On va devoir demander dans le studio, j'imagine. Ouais, c'est notre réserviste. Là. On l'a signé un contrat à deux volets. Fait que, c'est à lui de bien performer sur la glace. C'est bon signé. Ouais, parce que sinon, il va retourner dans le boss en bas. Il fera plus voyager sa poche de hockey. Il va falloir traîner son stock. Il va retourner avec Louis Lemieux. C'est la grosse ligue, c'est ici. On n'accepte pas ça, là, nous autres, les joueurs, que le cordon du cœur traîne dans la marbre. On en reparlera. Oh, tu fais-tu référence à quelqu'un? On en reparlera tantôt. Bon. Vanish. Sur ce... Vanish? Vanish. Vanish. Sur ce, startons. Startons. On sort l'entonnoir! On sort l'entonnoir! Si vous pouvez noyer notre peine. Ouais, puis on drop, puis on drop la poque. Fait que revenons sur l'élimination du Canadien contre les Rangers de New York. Je suis pas prêt. Non, moi, j'en parle. Je suis pas prêt à en parler. Ça fait trop mal encore. L'épisode 13, il y avait moi et Alex seulement, puis on a parlé juste. 13, 14, non? 14, ouais, effectivement. Alex. Excuse de t'en prendre, mais. D'ailleurs, c'est l'épisode 15, mais c'est notre 20e épisode total depuis la saison. Un peu de On va voir ça. Cheers. Yes, on célèbre le 20e. Un milestone. Hey, on a fait trois fois plus d'épisodes. Ben, on a eu une saison complète cette année aussi. L'année passée, on a commencé à faire. Je peux enfin redire milestone. Milestone! Fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce terme. Dans Jazette, chaque épisode, t'as un milestone. C'est vrai. Fait que, 20e épisode. 20e épisode. Ouais, ça passe sur le temps. Ça passe. Ben, belle constatation. Ouais, on dit, c'est sûr. Tu sais, c'est 20e épisode. Là, c'est, on commence faut garder la flamme. Il y en a-tu des choses qui sont passées? C'est vrai. On a tellement évolué. C'est non, mais c'est quoi? Moi, je vois ça, les gars, comme un beau grand voyage. Ça a commencé, on n'avait rien. Si on avait juste que moi, c'est tout le style. Ça a commencé, on n'avait même pas de bière. Là, on a de la bière. Un micro pour la gang. Un micro. Un micro central. On a vraiment pas de concept à rien. On est rendu 5, 6 même. Là, on a comme ajouté du stock. On ne sait même pas à quoi ça sert. Il n'y a rien qui vloguait là-dedans. Ça, c'est même pas une vraie caméra. Ah, il y a une caméra? Non, non, non. C'est tout. iMart, c'est rien que du jeu, ça. Ouais, et pour de vrai, on est même pas personne pas là. Qui nous écoute. Voilà, c'est ça. On n'est pas là pour vrai de toute façon. La période a commencé. Ouais, ouais. On parle on est en vacances. Ouais, fait que. On parle-tu de golf? Épisode 14. Ouais. Alex et moi, on avait couvert les trois premiers matchs de la série. Canadiens Rangers, c'était 2-1 pour les Rangers. Fait que ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Puis je vais vous laisser pas mal plus la parole dans ce segment parce que j'étais dans le sud, moi, pendant les trois derniers matchs. Puis j'ai vu des extraits de game là-bas. Mais j'ai Boo Hearns! Boo Hearns! J'ai vu l'excellente victoire de 7-4. Moi, je disais Boo Hearns. Mais dans le fond, match numéro 4, Canadiens perdu en prolongation. Ouais, ça, je pense que ça a été la défaite crève-cœur, là. Ouais, disons qu'on était supposé la gagner. Elle a fait mal parce que après ça, le Canadien, je pense que. Bon, on a gagné 7-4 après. Ouais, c'est ouais ça, mais non, je veux dire. Après ça, on aurait dit que c'était comme l'écart était tellement dur à remonter. Là, t'es 3-1. C'est pas évident. Non, moi. J'ai perdu 1-0. Ouais, mais mettons. Ouais, mais dans une hostie game de mort. Ouais, mais ok, mais c'est quand même 1-0. C'est pas fait défoncer. C'est passé deux facteurs que. Je sais pas si on rendu où ces facteurs-là. Ils ont été congédiés, je pense. Ouais, ça, c'est mais. On a perdu 1-0 parce que les Canadiens jouaient pas, puis parce que les Rangers jouaient la grosse trappe sale. Bon, non, mais ils ont joué une bonne game de défense. Ils ont joué super bien, mais ils jouaient la trappe. Ah, mais ouais, mais à la défense, de leur trappe, Montréal, on a déjà joué ce style-là. Ouais, ouais, on a tiré, c'est rendu contre les Capitals. On a tiré 5 fois en 3 ans. On a tiré 5 fois en première, puis en 3e. 8 tirs en 2e. Ouais, non, mais c'est quoi? C'est beau. Même pas. Non, 13. 18 tirs. Non, c'est 18 tirs total, man. C'est whatever, là. Il a raison. C'est plat. Je vais juste pitcher des chiffres. Pitcher des chiffres demain pour un tir. C'est 2-4 noms. Hey, on est des gars de stats. Non, la fin là, c'est que la trappe, s'il y a quelqu'un qui joue à la trappe, c'est soit qu'il y a une équipe aussi qui patine pas assez, faut que tu sois plus smart que l'autre team qui va te fermer la porte de même, puis il faut que tu mettes encore plus d'efforts quand tu veux. Tu vois, il a manqué d'implication. Ben non, mais je veux dire, en même temps, les gars étaient plus là. Non, c'est pas vrai. Ils se sont rendus à 7. 18-5 contre 2, ce game-là. Quand tu gagnes un match, admettons, là, que je sais pas, tu sais, l'arrière 3-1, okay, tu gagnes 3-2, là, c'est un match à la fois. Tu rends 3-3. Chris, avec la game qu'ils ont gagné à 3-3... Tu vois, je vois plus bien. Il y avait vraiment des gars... Je comprends, Alex, mais la game qu'ils ont gagnée... sale. Marco m'a tellement déçu. Ouais, on parlera des plus moins. Mais gars, la game qu'ils ont gagné 7-4, là, OK? L'avant-dernière game, là, tout était permis pour qu'ils font la même maudite affaire encore. Ils ont zéro sortie, mon gars, à dernière game. Moi, je pensais qu'après la game de 7-4, là, Montréal reviendrait à New York puis la pression serait 100% c'est Rangers. Puis c'est pas ça qui s'est passé. Les Rangers ont joué cool. Moi, je pensais que les Rangers étaient pour être pénalisés, ce game-là, que les Canadiens étaient pour tout donner encore une fois. Parce que même si tu joues une trappe... Tu joues désespérément. Même si tu joues une trappe parfaite, là, mais Chris, c'est ton forecheck quoi, de faire aller chercher la spot. Les gars, ils n'étaient pas capable de forechecker. Non, mais c'est pas compliqué. Dans la dernière game, t'avais trois joueurs qui jouaient. T'avais Tokarski, le Tokar. T'avais Gallagher et Desharnais. Desharnais, c'était le seul joueur qui était capable de rentrer dans la zone. Puis quand il rentrait dans la zone, ben, il cherchait des coéquipiers. Ouais, mais ça, les gars, t'es tellement lent. Le P dans ce game-là, là, c'est les passes, mon gars, qui étaient jamais d'un patin, qui étaient jamais sur la palette. Des astuces de passes botchées. La def a été dégueulasse en relance d'attaque. Pour de vrai, j'aime pas ça utiliser ça comme excuse, mais la glace là-bas est dégueulasse. Ah, Madison, mais ça l'affecte les deux teams. Ouais, sauf que les Rangers sont habitués. Mais on peut pas mettre ça sur le dos de la glace. Ouais, mais c'est vrai que les Canadiens, même à un moment donné, le commentateur disait les gars, vous êtes plus à Montréal parce qu'ils sont comme pas capables d'ajuster leur force. Tu sais. Ouais. C'est vrai, si vous faisiez une petite pause que à Montréal, ça se rendrait à palette. Combien de dégagements qui auraient pu être refusés, mais finalement, ça arrêtait avant la ligne. Fait qu'on blâme le standard des patinoires. Le mot du patinoire, non, mais. Non, tu peux pas blâmer ça parce que même si les deux jeux sont habitués, il reste que, je veux dire, c'est les deux teams qui vivent les mêmes conditions. Que les games d'après-midi, on est pourris parce qu'on en fait jamais, puis New York, on est habitué d'en faire, ou Boston aussi. Mais eux autres, c'est monnaie courante. Ils jouent une vingtaine de games comme ça la saison. C'est faire parler des statistiques. Brunel l'a dit, il y avait les jambes lourdes, lui, quand il jouait l'après-midi. Ah, Montréal sont jamais bons. sais, mais c'est comme, tu sais, les statistiques sont par la série. Les statistiques sont par l'épisode 14, Alex, il a dit que Brunet déjà était bon. Moi, c'est vrai, j'ai été bon. Au hockey. Ouais. Pas commentateur. Ok. On parle au hockey. Il y a une snake qui s'est ouais, mais tu sais, ça, les stats qui sortent pendant les séries, là. Si, là, quand ils disent que oh, le Canadien a déjà gagné 22 fois là, quand il perdait. Hey, on s'en colle les années 70, 50. C'est pas quoi. Le même team, là. Moi, j'ai ça, man. C'est comme. Ah, oh, ils jouent pas bien souvent quand ils sont face à l'élimination. Ouais, mais. À l'étranger. Le total est 55. En 55 parties, on a gagné 22. Ouais, mais RDS sont très fort te sortir un hostie de stats que tu de n'importe là. Où pendant une mise au jeu importante souvent là, t'es quoi, comme là. Chris montrez-moi la game c'est fatigant man, je suis désolé mais c'est ça il faut parler les chiffres de la façon que tu veux man. C'est vraiment CBC ça, t'as la grosse crise de pète en tant que ça de faire la même ouais, ouais. CBC sont moins payés. Oh, ouais, tout est vendu. Non, non, ben, c'est ça le poste que je pogne c'est pas que je suis vendu de la seule façon je peux s'écouter du hockey. Tu vas faire l'année prochaine? Non, c'est dans 4 ans. Non, non, l'année prochaine, il faut que tu pognes TVA Sport et RDS. Non, ben moi, j'ai un NHL Game Center sur... Ouais, mais c'est même pas les games du Canadien en direct. Ouais. T'es pas supposé, c'est ce que j'ai lu. Il disait ça. Qu'il... T'es pas supposé, mais ça se fait. Ouais, fait que tu prends un IP d'ailleurs. Genre, VPN. Pis... Oh, un VPN. On en reparlera. Dans la saison morte, on donnera des conseils là, sur ouais, comment ça. C'était tout ça. Ah, oh, ça se fait tout simplement avec... En tout cas, moi, je trouve que t'es pas mal croche. Anyway, ouais. Si ça, c'était... Tu fais perdre de l'argent à nos câbles distributeurs canadiens. Là. C'est à quoi tu penses, Martin? Là, ah, qu'est-ce qu'on fait tout ça? On passe game par game? Ben, je sais pas, là. On a parlé de toutes les games en même temps. Là, fait que... C'est-tu juste ça que t'es en première? Parce non, mais pendant que t'es là, peut-être... Okay, vas-y, peut-être que nos câbles distributeurs donnaient une option de on s'abonner via Internet aussi. Peut-être ouais. qu'ils recherchaient un autre façon de faire ouais, de l'argent. Ça, en exemple. Plus, ces autres sont câbles. Ouais, mais là, Vidéotron avec leur application. Ça, il n'y a pas plus ça ailleurs aux États vraiment, anyway, là, ou ailleurs dans le monde. Je pense que sur NBC, hockey, tout ça, tu peux regarder les matchs en payant. En tout cas, ça commence, là, peut-être. Ouais. Là, tu sais. Mais c'est, ça va devenir de plus en plus monétaire. Toujours moyen de trouver des feeds de hockey sur Internet, mais c'est jamais de bonne qualité. Moi, je veux juste revenir vite fait parce que nous autres, on n'était pas là pour en parler, mais moi je vais revenir sur la série contre les Bruins, puis parce que vous en avez parlé, j'ai pas écouté votre podcast, mais pas écouté le podcast. Ben regarde, on va résumer ça de même. Parce qu'on était défoncés tous bien avant Boston. Bah ben, je vais le remettre. Mais hey, sérieusement, quelle série, man. C'était ah, cœur, ouais, ça. Ouais. Jusqu'à la fin, là. Ouais. Série à écouter, là, pour les fans de hockey, c'était vraiment merveilleux. Vous autres, la dernière partie, étiez-vous nerveux? Moi, je fais faire comme 20 minutes. Moi, j'ai chié sur mes culs, dans mes culs-là. J'ai sur mes culs! Je les avais enlevés, à je les ai mis à terre, je les ai même étendus dans la pelouse, je les ai enlevés, à un moment donné, j'avais pas chaud. Comme une petite cérémonie, là, tu sais, là, t'es repassé un peu. Je vais peut-être chier sur mes culs-là. J'ai failli, mais non. T'es assis sur tes culs-là, t'as bon, c'est pas bien, j'ai ah! Je les ai enlevés, j'avais chaud, tu sais, je suis là C'est non, mais c'était écœurant. Ah, c'était fou. Ben là, mais on était battre les Blues. Oh. Quel summum, hein? Ben là, ils ont eu le. Oh. Ils ont fini premier dans la ligue, tu te dis. Ben, ouais, avec une grosse marge en plus. Là. Avec Rask ouais, qui était attends, comme là, qui a chié dans la panne. Ben, l'Ouest est, est plus, l'Ouest est plus serré, puis il y a plus de bons teams dans l'Ouest. Là, mais oui. Toute l'équipe des Bruins a chié dans la panne. Ouais. Ah, le Canadien a bien joué quand même. Sérieusement, on peut donner le crédit au Canadien. On a sa raison pour qu'on a gagné, c'est notre goaler. Man. Puis on l'avait dit aussi non, que le Canadien non, mais pouvait battre les Rask chier, Brooms. Quand Kui s'est parti en breakaway, quand tous les genres de goals qu'il y a eu en breakaway contre Rask, là, il a chié à tout coup là, des shots man, qui auraient dû. Ben, même Longwood a fait ça avec Pacioretty. Ouais, mais ça, on a eu pas mal moins d'occasions de s'échapper. Ouais, mais ils sont tellement plus vite, les Rangers, que les Rangers, ça passait dans le tabarnak. C'est dégueulasse, là. Aglin, là, il patine. Juste la game contre les Kings, mon gars. Mais là, tu te rends compte que contre les Kings, ils ont trouvé chaussures à leur ouais, mais là, attends, les Kings sont vite en tabarnak. Ah, c'était effrayant. Je pense qu'ils sont plus vite que les Kings. Équipe dans la ligue. Je pense qu'ils ont plus de patineurs rapides. J'aurais aimé mieux les Blackhawks parce que j'aime mieux les Blackhawks, mais les Kings, c'est une équipe que j'aime. C'est une équipe, mon gars, c'est bâti. Le centre du quatrième trio, man. American notre centre de premier. Ouais, c'est William. Genre. Ils ont tellement de profondeur, c'est dégueulasse. Ben, ils ont Carter, Kopitar. Non, mais ça, non, mais pas de American notre centre, mais pour le reste, c'est le centre de quatrième. Le quatrième trio, c'est une première ligne dans certaines équipes. Ben, c'est pour la coupe, c'est ça que ça te prend. Ouais, man, ça te prend. Il faut que ton 3 puis encore là, par exemple, Quick qui se blesse, c'est Dan. Mm-hmm. Ouais, mais ben, Quick, c'est un gardien de série en tabarnak. Ouais, mais il se blesse, Zidane. Puis Chris, il est pas grand, Quick. Pour n'importe quel goaler, de cette qualité-là. Ce gars-là, il est couché à terre quand il goal. Mais tu sais, Price se blesse pas contre les Rangers. On a une autre série aussi. On saura jamais. Là, mais on, c'est juste des ben, on peut s'estimer là-dessus. Puis je vais dire, à la fin, je suis pas prêt à dire que c'est à cause de lui qu'on a fait de la différence. Non, parce que Tokarski était sac. Je pense pas que c'est ça qui a fait la différence. Tokarski, en même temps, il est croche. Mais en même temps, les joueurs, ils avaient peut-être joué différemment en face. Peut-être, mais en même temps, la game qu'on a perdue, justement, c'est laquelle? C'est pas celle qu'on a perdue en prolongation, que justement, il a donné un très mauvais but. Dans cette game-là. Ouais, l'arrêt du bloqueur, la puck tombante. Ça n'aurait pas passé pour Price. Là. Price, c'est une coupe de goal qui aurait jamais passé avec Price. Mais en même temps, ça aurait changé la game. Non, mais c'est moi, je pense pas que le goaler aurait changé. Mais il y a peut-être des joueurs qui auraient joué différemment. Ben, c'est okay, la défensive avait été peut-être moins ses talons. On s'entend que quand t'as un goaler comme Tokarski, t'es un défenseur, t'as peur d'avoir des situations de même, les gars. T'as vu que Georges, il a voulu se pitcher bien souvent, puis souvent, il était plus dans les jambes de Tokarski que d'autres choses, en voulant essayer de sauver le jeu. Mais en même temps, Georges a fait un des plus beaux saves de la série, mais ça donnait un but après. Ouais, là, mais je sais, mais en même temps, après ça... Quand il a reculé dans le goaler, par exemple... La palette déviée, la palette droite face à Tokarski, ça, ça n'a pas rapport. Ça, c'est un réflexe, on l'aurait tout fait. Ah, non, ça, c'est pas bon, ça. Moi, c'est un réflexe. Faut pas te virer face à ton. Tu peux pas gagner des games de série à 1-0 non plus. Là. Faut que anyway, ça veut dire que t'as même pas scoré un but. Là, mais je veux dire, Tokarski, il a été écœurant dans les circonstances. Ouais, vraiment. Mais tu sais, tu regardais ses déplacements. S'il faisait un déplacement, il était sorti de son net carrément. Il faut qu'il joue vraiment en avant, ce gars-là. Puis il est bon. Il est agressif. Ouais, c'est ça. C'est un bon goaler, c'est pas un Price, mais c'est un bon goaler. Mais les déplacements, il est en retard. C'est pas lui qui a nuit à la série, vraiment pas, je trouve. Check Price, les années que ça y a pris aussi pour. Ah, oui, tout à fait. Il avait le talent brut. Là, il est vieux, Tokarski. Mais là, Tokarski, il a 24 ans. Ouais, mais c'est ça. Non, mais si, il a pas vu. Il voit de la NHL, sérieusement, puis la première fois, puis ça arrive dans les playoffs. Mais c'est un petit. Dans une grosse situation. Ben, c'est pas pour. Ben, il a déjà joué une couple de matchs avec Tampa, là. Ah, non, mais avec Montréal, il a joué plus de hockey. Moi, je vois pas Tokarski se rendre avec une grosse carrière. C'est ben, il pourrait. C'est un Halak, ça va donner un gardien. C'est, genre de c'est juste qu'il est trop petit, puis personne va lui donner sa chance. Ben, c'est ça. Un genre de Halak Vaucoum. Mais il a bien fait dans les circonstances, puis la pression d'arriver dans une finale de conférence aussi. Il n'y a pas de choqué, le Tokarski du gars. Non, Tokarski, là, son plus. Il n'est pas blâmé pantoute, puis je le prendrais comme goaler numéro 2. C'est quoi qu'il est 6 pieds 1, pareil, man? Mais il est pas gros, man. C'est parce qu'il est pas lui, gros. Il est combien? Ben, il est 220 livres, man. C'est parce que, ouais, mais quand t'es dans le net, là, il remplit plus rien, man. Qui? De la manière là, qu'il est canté dans son net, là, il remplit pas rien. Qui? Dr. Hong? Mon frère Mousse Pipi m'a pardonné! T'as comme tout le top net ouvert avec Tokarski, là. Il est penché, man, là. C'est comme. Oublie ça. Je sais, c'est dangereux, tu le vois, c'est oh my god. Mais, écoute, tu le prendrais-tu comme goaler numéro 2? Il y a comme un petit angle de côté. Là. Comme goaler numéro 2, certain. Est-ce que je le prendrais? Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine avec Boudaï? Ah, Boudaï, il est super cool comme gars, pis tout ça, mais je pense que. Regarde. Il reste un an, hein. Ouais, il reste un an. Moi, je regarde, j'échange Tokarski. Il reste un an à Bouddha. Ouais, mais après ça va te prendre le numéro 2, là. Tu penses que le numéro 2, man, il y en a plus. Ouais, mais parce que. Ben, il y a Robert Mayer qui a été. Non, t'auras rien pour Bouddha. Pas moi, un choix de deuxième ronde, on a donné un pour Mayer. Non, wow. Ah, du coup, on s'avancera pas dans des genres de. Ça, tu peux. Je serais trop donné, ça. Ouais. Bon, moi, je le donnerais pas, mais tu vois, il y a des fous partout. Ah, ouais, ça. Hey, t'as peu. Là, il y aura plus de fous parce que là. Ah non, c'est quoi que Gartino, il est encore là. Fait qu'il y a toujours moyen de fourrer Gartino. Bon, non, c'est droit. Non, il a changé c'est ses droits. C'est juste ses droits. Ça, c'est ce que ça dit. Dan Boyle, il va aller voir ailleurs. Anyway, puis il vient de perdre encore un choix de repêchage juste pour avoir. Comme Van Eck, man. C'est-tu? Non, mais ils ont sûrement parlé avant. Mais ça a l'air que Dan Boyle est intéressé à aller à. Ah, ouais. Dans ce temps-là, ils les ont parlé avant. Moi, je pense qu'il va leur jouer un esti de cul. On n'est pas dans Van Eck, je pense qu'il a fait. Ok. Amène-nous à l'ordre, là. Amène-nous à l'ordre, là. Fais un arrêt de jeu, là. Ouais. Vous avez pas le droit de parler de tout ça tout de suite. Ben, joue-les ton esti de son. Il y a de la graisse sur mon iPad. Pas le droit de faire ça tout de suite. Silence. On attend. We can't do that. Okay, le Canadien a été éliminé. Je sais pas si les derniers commentaires vous aviez à faire sur cette série-là. Belle série, par exemple, que le Canadien nous a donné là. Ben, du bon hockey, ben le fun à écouter. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai changé souvent de pouce. À partir du moment. Et Melvin, je l'ai tué. Une chance, c'est blessé. Ok, sérieusement, moi, à partir du moment que Price s'est blessé, j'étais vraiment déçu. Le lendemain, la game du lendemain, la première game avec Tokarski, là, ouais. Ma blonde, elle trippait pas à être avec moi. Là, j'étais juste comme en. Moi, tout, j'étais en tabarnak. Ah, moi, aussi, tout le long. Là, c'est là qu'ils nous disent ben, c'est juste du hockey. Non, ça, c'est la pire. Ta gueule! remonte non! Ça remonte ma blonde, elle me disait. Elle frusse quasiment autant. Ah, oui, j'ai essayé. C'est juste toi. Ma blonde, elle me disait comme, mais là, je vais aller. Mais là, je vais aller faire d'autres choses. C'est ça, tu es décollé. Et là, j'étais comme, non, j'essaie de me ressaisir, d'être bon gars, d'être bon joueur. Non, non, reviens ici, là. Je vais me calmer, promis. Pogner un tête. Ah, oui, c'est là. Ah, les hommes et le sport. Ça a l'air que dans le Super Bowl, c'est la journée aux États-Unis où il y a le plus de femmes qui sont battues par leur mari. Parce que les gars se mettent chaud dans ton tabarnak puis ils fessent leurs fans. C'est pas de raison. Wow! J'avais lu ça comme stats. Y'a-tu des stats recensées? Ouais, y'avait eu des stats là-dessus. C'est comme, y'a un pic de violence conjugale quand c'est du Super Bowl aux États. Moi, j'aimerais plus à la place de ça, je sais pas, dire, ok, on va simuler que t'es un goaler, je vais aller chercher mon chien. Je fais snaps dessus des pocs. Oh, Ballorant, moi, je sais pas, juste faire peindre. Non, ça passe comme une lapidation, tu fais pas ça, là. Oh, ok. Au Québec, il y aurait de la lapidation. Par balle orange. Slapper des pas, qu'est-ce que tu dis ça? Oh, non, okay. Des balles orange bien frettes. Ben fait que suite à la défaite ou du Canadien. Ou des balles avec des trous, mais avec des gainés mouillés dedans. Mm-hmm. Hein? Suite à la défaite, ben, le Canadien a perdu son pari avec Jimmy Fallon. Fait que Youpi a dû faire sa part du pari et prendre des photos dans Montréal avec un Rangers. Ride le Youpi, c'est un ostidrisé. Je vais aller là, je vais aller le tour. Non, je savais pas qu'il y avait ça à Montréal. J'ai Serge à côté de... C'est Fallon qui m'a appris qu'il y avait ça à Montréal. C'est à côté de Ubisoft. Je suis pas vrai, toi. Ouais, là, tu me diras pas si où je savais c'était où. Je passais là. Qu'est-ce qu'il y a un tour mécanique ici? C'est donc, ben, pourquoi tu me l'as pas dit? Ça, c'est pas le pas Mont-Royal. On se met chaud pour y va. Dans ce coin-là, bon, check ça. Monsieur, est-ce qu'il est bandé Ferrandaise? Le maire Ferrandaise. Je me ramène à Bixi. Non, mais beaucoup de pub pour Montréal. Le Twitter. Ils l'ont bien fait. Ils ont réussi à bien spinner ça pour que ça monte la beauté de la ville en. Je pense qu'on était meilleurs perdants que Boston l'a été. Oui, vraiment. Avec un petit crisse de flag. Ah, les autres, ils ont été tapettes. Ah, le flag était petit, man. Le flag des Rangers était à Montréal aujourd'hui, puis il était gros, le flag. Oui, il était puis il mangeait un bagel. Ouais, puis il a dit c'est les meilleurs bagels, c'est ça, New York. Pour cette journée aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Gros canard. Oh, ouais, gros Denis. Mais honnêtement, les bagels de Montréal sont vraiment meilleur que ceux de New York. Au moins, on met du César. Il fait un bon son. On a mangé, puis moi, pour le reste, je n'étais pas impressionné. Vraiment pas. C'est il comme fait du un gros pain. Sont malades, man. Il okay, fait un bon, les Saint-Viateurs sont sacoches. Les Saint-Viateurs, ils fourraient. Ah, c'est-tu quand ils sortent du feu, man. Les premiers bagels à Montréal, c'est Fairmont. C'est sacré, ça. C'est sacoche, là. Allez voir sur notre Facebook, on avait un album avec les 10 photos de Youpi tristes. C'est des photos tellement déprimantes à regarder. On vous donne aussi la liste des choix des bagels disponibles chez Fairmont. C'est ça avec des photos. Ah, puis on donne un rabais chez Fairmont. Présenté comme émission du podcast là-bas. Présenter la soirée du podcast. On vous paye un bagel. Martin, il paye tout. Je vous paye un bagel. Achetez 12 douzaines, obtenez la troisième gratuite. Hey, ouais, achetez une douzaine, puis vous avez un cinnamon. Ok, et, c'est beau, le calice. Bienvenue à la soirée culinaire. Tout le donc, monde. Son numéro de téléphone est là. Ben, il reste pas beaucoup de temps à la période. Après ça, on va revenir sur les plus moins de la saison des séries puis faire le post-mortem. Je veux juste qu'on parle des commentaires de Guy Lafleur qui ont sorti hier dans les médias sur Paturity et Vanek. Ben, il n'y a pas raison pour Paturity et c'est plus avant hier. C'est avant hier, mais il a dit. Mais, oh, mais attends, là, on parle d'un genre, d'un vieux calice. Non, non, c'est Flower. Non, non, mais on s'entend. Non. Il y a raison pour Vanek, il n'y a pas raison pour Paturity. Il y a raison pour Vanek, mais tu sais. On s'est entendu que les commentaires de Lafleur, c'est tout le temps des commentaires. Ah ouais, genre, il a réponse à toutes, lui. Ouais, lui, il connaît ça. Là, ouais, mais il sait comment ouais, ça marche. Il là, a tout à fait ça. Ouais, c'est, je sais, mais c'est le seul mais gars temps, de l'organisation du Canadien qui s'est jamais censuré devant un micro. Je suis d'accord, mais en même temps, il dit un peu tout le temps n'importe quoi. Non. Je suis pas d'accord. Il dit souvent. Il est pas d'accord. Non, c'est quoi? Il est rough et old school. Il est-tu raison? Ouais, mais il est rough, pourquoi? Il a ramassé combien de Coupes Stanley avec Montréal? Ah, mais ça, dans ce temps. Non, je sais. Je sais, c'est facile. Tu peux tirer de la ligne bleue, ça rate. Je sais, là, je vais être comme. Non, moi, je suis pas d'accord. La game était pareille pour tout le monde. Mike Bossy, il a eu sa passe à lui aussi. Non. Les gars là, de cette génération-là, là, ils ont gagné les épaulettes. Oui, ça fait ça. Puis Lafleur a le droit de dire ça. La game est pas pareille. Je sais que la game est pas pareille, mais Lafleur a le droit. Ah non, il a le droit. Je sais pas qu'il a pas le droit, puis je donne même raison à certains points. C'est le dernier porte-couleur des Canadiens qui est aussi... Qui est funny en tout cas, ça y est, Alex est blessé pour deux jours. Je comprends à certains points ce qu'il veut dire, mais de là à dire que genre Paturity, il a raison qu'ils ont manqué de cœur. Il a raison, c'est juste Paturity, que... excuse-moi toi, comment t'as trouvé Paturity, était toi, pas bon. Il était pas bon. Hein? Je l'ai pas trouvé cœurant, mais je veux dire, de là à dire que oui, je c'est le veux quoi pas la les... fleur, je donne raison, Calis. J'ai trouvé mauvais, mais je. Ouais. Moi, il a raison, mais il est jeune. Il a raison, mais il est jeune, puis je donnerais plusieurs autres chances en série. Vanek, il mérite pas d'autres choses. Savais-tu que la fleur, là, il a connu des saisons de marde dans ses débuts de carrière? Wow, dans ses débuts de carrière, puis après ça, c'est lui qui a transporté le Canadien, puis qui a transporté la Ligue nationale jusqu'avant qu'on ait une on dit pas qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'il a dit, là. On dit qu'il okay, y a beaucoup de raisons pour Vanek. D'accord avec ce qu'il a dit. Même pour Patcherity. Le Patcherity. Non, écoute bien, t'as peur. T'échanges okay, Patcherity, mais ben c'est ça qu'il a dit. Non, t'as peur. Un à la fois, là. Mais pourquoi pas, c'est-tu? Moi, je le ferai, Chris. Ok, ben ça, oui, tous les joueurs sont sur le marché. Ok, ça m'amène à une question, ok? Est-ce que tu veux avoir un joueur qui t'amène en playoff dans une belle position, puis un coup rendu au playoff, il disparaît à la Thomas Plekanec? Ou tu préfères avoir un gars qui joue des playoffs jusqu'à la fin? Tu sais, c'est quoi tu veux? Mais faut que tu te rendes dans les playoffs pour que tu joues les playoffs. C'est ça la question que je me pose. Ouais, mais qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'on veut? Tu veux un gars de 40 buts, ok, parfait, en saison, mais faut que tu te rendes dans les playoffs. Faut que tu te rendes dans les playoffs. Si t'as pas ces gars-là, mais là, tu te rends pas en playoffs, fait que tu verras même pas jouer en playoffs. Ouais, tu peux te rendre en playoff avec une position. Il y a des gars qui se sont rendus en playoff avec des gars qui n'ont pas scoré 42 dans le comme Star peut être bon en Chris en playoff, mais il ne traîne pas son Chicago, équipe pour là, Chicago, là, des équipes de même, il n'y en a pas plein dans la ligue. Là. Je comprends sont, tout à fait. Ils sont genre écœurants dans la saison puis ils sont écœurants en série. Il n'y en a pas bien. Les Kings là, sont des dernières équipes de l'Ouest à avoir fait les... Ouais, pendant l'année, ils étaient poches. Ils étaient pourris dans l'Ouest pendant la saison. Dave, je comprends. Quand t'arrives dans la série, mon gars, boum! Fait que tu sais, je veux dire, t'as des joueurs de saison, puis t'as des joueurs de série, puis ça te prend des deux. Mais de là à dire que je vais échanger Patcherity, pas de suite. Parce que... Il a fait les séries, non, quoi, deux fois, pas. Trois fois? C'est ça. Sans se blesser. Ouais. Attends. Ben, gars, on envoie, il y a des Joe Thornton de ce monde qui sont pas Patrick capables Marleau. De transporter une équipe. Ça, puis, je suis d'accord Joe avec Thornton, là, il a eu sa chance. Hey, man, la fenêtre des... Mais ce gars-là, Patrick Marleau et lui, sont pas bons. Depuis genre 20 ans, quasiment, là. Ça, je suis d'accord avec Mark. C'est fantôme, man. Fantôme. C'est deux gars qui sont... Mais là, tu peux pas dire que Patcherity, c'est un fantôme, Chris. Ça fait quoi, deux, trois années, là? Écoute, gars, moi... Non, mais moi, je dis pas que... Oui, sûrement que t'aurais, ça serait pas si intéressant que ça. Qu'est-ce que t'aurais à un trade contre Patcherity? Moi, je vois ça de même, mais je te dis juste qu'en playoff, ce gars-là, là, gars, Plekanec, Patcherity, qu'est-ce que t'as vu d'eux autres? Ah, Plekanec, je suis pas d'accord. Fuck all, man. Ah, il n'est pas juste des goals de. Hey, Plekanec, sacrément. Hey, si je te donne. Patcherity, là, ça se tenait dans les coins de patinoire, même pas dans, sur le bord de la bande, comme Vanek, la même crise. Non, il était dans le middle. Il était dans le middle. Vanek, là, il était vraiment pour un gars qui a ramassé 40 buts cette année, Patcherity. Il n'y a pas d'excuse. Pas à mon goût. Mais il a essayé d'être impliqué plus que Vanek. Vanek, là, même s'il dit. Vanek, écoute. Zéro, tu vois. Au moins, Patcherity, tu vois des sparks. En faisant une comparaison. En faisant une comparaison avec Vanek, là, c'est pour amener Patcherity au niveau genre que je suis extrêmement déçu. Très déçu de lui en playoff. Vraiment. On échange Patcherity et on va chercher Malkin. Non, mais tu peux pas. Mais non, c'est ça. donne Patcherity à Pittsburgh avec. Non, moi ça fait pas mon affaire. Puis Tim Hardy, puis on va chercher. Moi, en tant que fan, ça fait pas mon affaire. Je suis bien content que ce gars-là. J'ai pas Tim Hardy dessus, mais. What? Pour Malkin? Ah, pour Malkin, ben, ça arrivera jamais, ça. Il faut qu'il en échange un des deux, man. Ouais, mais ça arrivera pas. C'est là que tu l'échanges, ton Patcherity. Vous autres, comment vous l'avez trouvé, Patcherity, en playoff? Je l'ai pas trouvé bon, mais je l'échangerai pas pour autant. Pour je donnerai une autre année. Je comprends. Ben, je comprends. Sans l'échanger, comme je te dis, t'as rien de bon pour avoir Crosby, le Crosby pendant les playoffs, cette année, tu l'échanges-tu parce qu'il était pourri? On s'entend-tu que cette année, là, ouais, il était pourri? Non, il a jamais rien fait. Ouais, mais Crosby a une mauvaise année. Crosby a jamais rien fait dans les playoffs ou dans le tournoi mondial. On va s'entendre sur une affaire quand même, là. Patcherity a connu sa meilleure saison de but, OK? Puis il a juste joué 73 games. Ouais. On peut-tu lui donner? Non, mais quand même. Il aurait eu son 40 buts. Il aurait eu vraiment son 40 buts, là. Oh oui. OK? Bon, je pense qu'on peut lui donner un break pour une saison, voir comment qu'il va... Je sais pas. Bon, on peut faire la fin de son contrat parce que jusqu'à maintenant, c'est notre meilleur pointeur. La fin de son contrat, c'est loin, Baron Mart, là. Ouais, ben c'est sûr. Ben, on verra. C'est quoi, il reste 3 ans? Comment faire la fleur? Il est bon jusqu'en 2017. C'est d'avoir juste ciblé Patcherity puis Vanek parce qu'il y a eu d'autres joueurs qui ont crissement mal joué dans les playoffs. Ouais, mais gars, on a scoré combien de buts dans les dernières games? Dans la dernière game, sauf la game 7. Ce que je me souviens, moi. Non, mais moi, dernier but, la dernière game, ce que je me souviens, là, c'est que. On a perdu par blanchissage. Ouais. 0 buts. 0. Zéro, puis zéro implication physique d'un coin. Oui, zéro. C'est ça, je dis, le dans check, personne dans le slot. Patcherity s'est mis combien de fois le nez dans le slot? C'est Desharnais qui était là. Ah oui, mais les autres, ils n'ont pas, pas de nez dans le slot. Il fait juste rentrer à puck, puis il n'y avait pas personne. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Les gars sont d'un coin. Comment tu vas avoir des tirs? Check le nombre de tirs. Vanek, 8 millions par année. Ah, ben regarde, la game qu'on a gagnée 7-4 aussi. Comment qu'on a marché pour compter des buts? Les défenseurs s'impliquaient dans l'attaque. Puis les gars allaient se mettre devant Lundqvist. Puis là, la période est voilà. Ouais. Puis les Rangers. Ouais. Les Rangers, c'est des tabarnak. Ouais, fuck you. Chris Kreider. Non, mais j'ai comme remarqué qu'ils jouaient ça en crise des fois, les Rangers. Ah ouais. Aussi, là, ils rushent le goaler. Puis sont. De toute façon, nous autres, le Montréal, on peut pas chialer. Ah, non, parce qu'on est la pire équipe de la Ligue nationale. Là, on est le plus mal vu. Là, je te dirais, là, dans toute la Ligue, pour les diving, pour tout le fuck. Non, up, Boston, il est plus mal vu. Excuse-le, Plekanec. Quand il a faké là, son hostie. Il est pas faké, il s'est tapé. Avec son bâton. Ouais, c'est pas gagné son bâton. Mais qu'est-ce qu'il a réagi? Là, t'écoutes trop la CBC. Hey, man. Ouais, man. Hey, sérieusement. Oh, ouais. Mais il mange son bâton en face. Mais moi, je me cogne avec mon bâton dans ma face. Je vais réagir comme j'ai un bâton en face. Mark, il réagit comme les fans anglophones. Non, mais j'ai vu quatre fois le replay. J'ai jamais vu son stick toucher sa face. Oui, oui, c'est son bâton. Tu le vois très bien. Il fait comme ah, puis là, après, il lève la. Il vendait pas la pénalité. Ok, vous montrez le replay. Je l'ai vu comme trois fois en replay. J'ai fait ok. C'est son propre bâton. Vraiment, j'ai vu comme le stick du golfé, puis. La période est finie. Hey, juste avant de finir, il y a Hockeyman dans le chatroom qui nous dit qu'on devrait offrir à certains joueurs du CH le DVD de l'Académie de hockey McDonald's de Joël Bouchard. Ça coûte combien? C'est quoi? Mais d'après moi, le coffret de la première saison doit être 30$. Oh. Ouais, mais sérieusement, c'est. Peut-être, peut-être 20. Ouais, mais si dans l'Académie, lui, il monte à aller se placer dans ce slot, oublie ça, ça sert à rien. Il dépense pas une scène là-bas. Ouais, mais Joël Bouchard a des beaux cheveux, fait que d'après moi, c'est. Des beaux cheveux bien gominés. Sur les cheveux de Joël Bouchard, on fait un entracte et on va venir pour la deuxième période. Joël! Ah oui, mon Joël! Comme Marchand qui donne des petits coups de poing à mise en jeu à Plekanec. Marchand, hey, ça là! C'était de la merde ça, man! Tu recordes-tu là? Ouais, je record, mais je sais pas, on est pas revenu encore. Hey, ça c'était de la merde. Hey, what a fucking idiot! What a fucking wuss, man! Ça a été le meilleur move de Plekanec de ces séries. Ça a été ça, se tirer, puis genre il juste. Il était bon, Plekanec, pendant les séries, je m'excuse. Ouais. Là. Pendant les Rangers, ok, mais le reste, il était très bon. Ça a été notre bon centre défensif. Là. C'est un gars, tu peux compter dessus. Je sens que la discussion début, va s'enflammer, donc on est de retour pour la deuxième période. Ok. Moi, c'est votre trading. Hein. Et on est maintenant dans la section post-mortem de notre saison 2013-2014. Post-mortem! Voilà. Ouais. Le petit wrap-up. J'ai pas de notes, j'ai rien là-dessus. Fait que là, on jase de ce qui s'est passé. On peut faire nos plus, nos moins de la saison puis des séries. Puis se donner des petits regards là, comme ça. Là. Ouais, God. Qui veut commencer? Ben, vas-y. Plus, ben, genre. La saison? Hey, Plekanec, c'est moins 7 en playoff. Ouais. Juste ça de même. C'est sûr, c'est tout à l'heure que je jouais contre les meilleurs trios. Oh. Ben, c'est sûr. Puis en plus, avec Tokarski d'un goal, c'est sûr que ça diminue aussi ton. Ils ont plus de chances de scorer là, contre lui que contre on Price. On pourrait peut-être, pour la saison, exclure Price puis Subban des plus moins parce que c'est, là, on va le donner à eux autres, c'est sûr. Non. C'est trop facile. Hein. C'est les ouais, c'est sûr, c'est parce deux, qu'on va être tenté okay, de dire. Ok, c'est deux. Plus, c'est vrai, Price était écœurant. Je vais donner mon plus à Desharnais. Pour la saison au complet. Ouais. Yemen, il était pourri. Il était pourri au début de cette. Ouais, mais. Ouais, mais. Il est... Match sur 82. Il est revenu, puis il s'est pas laissé entraîner dans le slum. Puis il a non, joué. Non. D'un... Jusque il a montré du caractère. Il a joué jusque dans les playoffs. Très combatif. Ouais, commençons par notre plus. Fait, là, on parle en saison, là. Ouais, dit, ouais, c'est ça. Après ça, on va faire en série. Ouais. Hey, on est concept. Hey. Tabarnak. Est-ce qu'on en dit? Mais ben non, dis ton plus, ton moins. Hey, mon moins, vas-y. On va pas en jaser, puis t'ostiner, puis dire. Non, non, non! Moi, je suis pas d'accord. Là. Fuck off, man! Ouais, moi, je pense que le show attitude. Hey, je peux pas donner à Vanek en saison parce qu'il est bien pas, fait. Là. Alors, qui tu donnerais? Je peux-tu donner à Paros parce qu'il a pas bien joué non plus? Ben, il a pas eu la chance facile, de jouer. Ouais, c'est facile en Chris, Paros. Louis Lemieux. Offre-nous un autre choix. Louis Lemieux. Non, Louis Leblanc. Non. Louis Lemieux, c'est l'autre. Non, non, pas ça. Non, non. Offre-nous un autre choix. On va choisir ton moins. Brière. Scroll des noms de même. Brière est moins 13 en saison. Ah, saison, Brière. Brière, je vais donner mon moins peut-être la saison pour son manque d'implication. Prends Brière. Je prends Brière. Ok, c'est bon. C'est repris en série. Je peux pas donner mon moins en série à Brière, mais. Fait, mon plus. Jouer 4 minutes par match. C'est-tu. Ouais, mais. Il a même compté pas pire de but pour 4 minutes par match. Je pense qu'il s'est fait compter pas mal et tout. Dave. Paro, c'est moins 15. Wow! Taro, c'est moins 15 malgré. Ouais, mais c'est pas un gars qui score, hein? C'est fait que si ça gagne. Il est moins 15 en 39 games. Là, non, Paros. Il n'y a pas de chance. Non, t'as pas joué ça. Paros est dégueulasse, là, c'est une patinoire. Il est parti, là. C'est ça, gars, il n'y a rien à dire sur lui. Il est pas moins 15, moins 13 en saison. Il est genre plus 1. Moi, t'es stats, man. Ouais, t'es stats de playoff, là. T'es sûr? De... Non, moi, j'ai... En tout cas... Moi, j'ai les stats live, là, sous les yeux, puis Brière, il est plus 1, là. Bon, là... Hey, plus 1, toute une stat. Là, les gars, là... moi, j'ai moins 13, ici, là. Sur hockeydraft.ca, ben, on va prendre du Canadien. Ben, là, j'ai les stats du Canadien. Je garde mon choix de Brière, pareil. Il m'a fait cheat la saison, puis il s'est repris en playoff, mais pour la saison, fuck you, Brière, ton teint de Tylenol. OK. Casper. Ben moi, je vais commencer par... Oh, excusez, est-ce que JF pète une corde? Non, j'étais juste pas prêt pour ça. Vas-y donc, Dave. OK, ouais. Je commence par mon plus. Ben oui, mon... tu commences par ouais, c'est plus. Ça, on commence positif. OK, en saison... T'as pas Guy Lafleur de toi. Je vais le donner à Thomas Vanek. Non, non, je vais le... On a dit pas Pacioretty. Pas Piqué, puis pas Price. Piqué puis Price sont automatiquement top. Okay. Ils vont être dans nos MVP. OK, ben en saison, dans ce cas-là, c'est sûr. Moi, je le donne à Pacioretty. Mais j'avoue que dernier, c'est un crise de bon choix aussi. Mais je vais le donner à Pacioretty parce que, pour à peu près les mêmes raisons, c'est qu'il a mal parti, puis après ça, il a décollé. Puis Chris, il nous a donné une saison de 39 buts. Puis ça faisait longtemps, Nestico, on n'avait pas vu ça chez le Canadien. Puis je trouve ça agréable à voir quand même. Tu, bon, bien. C'est intéressant quand même là, de voir un joueur qui enfin produit un peu. Finalement, un marqueur même s'il a pas connu des bonnes séries. Hein? Presque un marqueur de 40 c'est buts. C'est ça. Même s'il n'y a pas eu des bonnes séries, on parle juste saison. Fait qu'on écarte, mettons, série, je donne juste saison. Mon plus. Mon moins, Heller. Bon choix. Parce que Heller, man. C'était un de mes choix. Je il a dans ma tête. Chié dans la pelle. Il a bien commencé. Puis pourtant, lui, ça a été l'inverse de Pacioretty en série. Il a été quand en même 11 meilleur. Games, il était super bon. Puis après ça. Ouais, je sais pas, juste ça de même. Là, mais Lars Heller, man, moins 15, 26 points. Vraiment décevant. Man. Pas beaucoup de buts après, pas fait grand chose. Ouais. Je pense que 12 buts, il s'est compté genre en première moitié de saison. Ouais, non, vraiment, ouais. À la fin, il n'y a rien qu'au lycée. Non, c'est ça. Fait que, toi, t'as combien Heller, moins 44 Je sais pas, attends, tu veux. Check, Heller. J'ai 30 points, Heller. 30 points, ben ton affaire est tout crache. Oh, c'est ça se demande. Hockeydraft.ca, fuck you. Tu sais qu'on combinait les séries et le je sais pas. Non, j'avais juste pris la saison, tu quoi. Donc, on va se fier sur moins, Dave. Il est moins quoi dans ton affaire? Il est plus 8. Ok, ça marche pas pendant tout. Là. Ok, mais moi j'ai moins 15. Ok, ouais. Alors j'ai des stats erronées ici. Moins 15, ça me rappelle le style mois de janvier. Il faisait bien plus fred que ça. Il faisait genre moins 20. Martino. Ok, le mois de hey Mart, moins 15 là, c'est avant le facteur éolien. Ouais, c'est ça. C'est pas bien simple. Faut le prendre en considération. Ok, moi mon plus là. Vas-y Mart. Moi mon plus, je le donne à Drew Doughty. Ah ouais, Mart, skate. Quel joueur incroyable. Non, sérieusement, mon plus, moi aussi, je vais le donner à Dernais. Dernais, c'est vraiment bien sorti, je trouve. De... Hey Bart, tu m'impressionnes. Ouais. Parce qu'au début de la saison, là, toi, t'étais pas juste échangé. Je pense qu'on va sortir des tapes non, que Bart tu échangé. Ouais, tu pourrais sortir le tape, mais il y a une affaire que je suis conscient. Hey, sors le tape, Je vais rechercher la bande magnétique, puis je vous reviens. Non, mais il y a une affaire que je suis conscient. T'as rechercher sur bobine. Ah oui. Ok, je vais juste finir mon point. Là. Ah ouais. Il y en a fait, je suis conscient, c'est que Desharnais, là, tu pourrais pas. T'aurais genre une canne de thon contre lui, là, Chris. Là, t'sais, il est pas tradable. Bon. T'as dit Desharnais, ça, Pacioretty. Il est bien revenu. C'est ça, n'importe quel joueur. Non, mais il a dit aussi de la tête du gars. Non, mais. Meurs tous les joueurs. On peut pas changer personne. On peut pas changer personne pour avoir une canne de thon. C'est le sac de bois. C'est bien une protéine, une canne de thon. C'est absolument, c'est vrai, ça. Puis. L'équipe est de la merde. On s'est rendu dans les quatre derniers. L'équipe est de la merde. Desharnais, il va comme mourir à Montréal, ce gars-là, dans le fond. Ah, si, ils se donnent autant que ça, autant. Après ça, mon moins, moi, je vais le. Mon moins, je le donne à Emeline. Emeline Boom? What? Ouais, ben, malheureusement. Ben, pendant la série, mais pas pendant la saison. Ah, pendant la saison aussi. Ah ouais? Pendant la saison, là, il s'est battu toute l'année. Ben, toute l'année, tu le défendais, tu l'aimais. Là. Ouais, non. Check le hit, Luchik. Puis comment il peut jouer? Ouais, non. Tu as même donné ton plus à des certains. Ouais, pendant 3-4 émissions, j'ai donné mon plus sur le hit sur Luchik, effectivement. Mais à part de ça, je veux dire, il s'est battu dans sa zone avec le puck tout le long. Il y a eu de la misère. Il y a eu. C'est pas ce que je m'attendais de ce joueur-là. Il a été lui. On a parlé de joueurs longs à décoller tantôt. Lui, ça a été long en hostie avant qu'on voit des solides mises en échec comme on a connu de lui l'année passée et l'année d'avant. Je pense pas qu'on a vu tant que ça cette année non plus. Là. Des non, grosses mais, mises en échec. Non, mais gars, on n'a pas vu, mais c'était lui. C'était notre body checker. Puis cette année, il a pas fait ça. C'est sûr, il venait d'une blessure. Whatever. J'y donne sa chance. Mais cette année, j'ai trouvé, puis j'inclus les playoffs aussi. mauvaise décision avec la POC. Il est pas rendu là encore. Ça a été ma déception. Je pensais qu'il miserait plus sur son côté physique, mais cette année, ça a été plus dur. Good job. Là, j'ai quand même essayé de faire subtil. Ouais, mais les micros captent trop ici. On l'a tout entendu. C'est tout sur Bobine. Écoutez, moi, mon plus, je vais prendre un joueur, je vous l'avais pas dit, mais je vais prendre un joueur qui a restarté tous les trios qui étaient en panne cette année. Sûrement pas René. Je vais prendre Brendan Gallagher. Oh. Ouais. Ce gars-là, man, toute l'année, ouais. Chaque trio qui tombait en panne, ben, on envoyait Gallagher pour les sauver. Mais ce gars-là, il a joué une si bonne saison. Chaque match, t'es là 100%. Sauf que ce gars-là, il viserait l'océan puis il tirerait à côté. Encore lisse de ça. Il fait de l'espace, il fait de l'or. Ben, il fait toujours le même style de voilé. Quand il a la chance, il est tout le temps avant du net. Il y a ce gars-là. C'est le missing link. C'est pas grave. C'est un gars qui donne de l'énergie. Puis tout le temps, il est là à 100%, puis il est là, juste à la première ligne, deuxième ligne. Il fait de l'espace pour les gars, ils aiment ça jouer avec eux autres. Puis quand il y a un trio qui est en panne, on envoie Gallagher, le trio part. Fait que ce gars-là, je pense que cette année, vraiment, ce jeune homme m'a impressionné, man. Mon moins, c'est René Bourg. Dans la saison, ouais. Merde, pour de vrai, 9 buts. Ouais, bon choix off. Aussi. Tu viens me prouver que t'es capable de jouer, Chris, pendant les playoffs. C'est quoi ton excuse pendant la saison, Esti? Mais sais-tu quoi? Chris, mais Esti, là, je n'étais pas là dans la saison, c'est ça l'excuse. Mince. Non, mais j'ai entendu de quoi sur René Bourg. Je n'étais pas là. J'ai entendu quoi sur René Bourg, par exemple. Non, mais t'as peur. T'as entendu ça à CBC? Quoi, sa soeur est malade? Ça sert à faire. Émotivement, t'es pas là cette année. Habitué au lac la biche. Au lac la biche. Qu'est-ce que t'as entendu, là? Non, René Bourque, à ce qui paraît que ce gars-là, il est pris avec des symptômes de commotion assez constants. Puis il disait que j'ai entendu que ce gars-là, il avait de la misère à checker genre de la TV pendant 15 minutes encore dans sa vie de tous les jours, là. Qu'est-ce qu'il fait sur une patinoire, alors? Il est encore. Gars, ça. Techniquement, il n'est pas supposé jouer si ça arrive, ça. Ok, fait que pendant les playoffs, c'est parti. Gars, ça, moi, là, je sais pas, je suis pas dans sa vie personnelle. Tu là. Fais les playoffs, pouf! Mais c'est ce qu'on a. C'est ce que j'ai entendu. Non, mais c'est que plus elle a avancé pendant la saison, plus c'est comme. Hey, à la fin de l'année, il était benché, dude. À la fin de l'année, c'est lui qui s'est fait bencher, qui jouait même pas. Tu peux pas dire ça qu'à force de la saison avancée. Plus la saison avancée, plus en tout cas, moi, j'amène une hypothèse, quelque chose que j'ai entendu, puis je me dis que c'est peut-être possible. Peut-être des que rumeurs, ça. Là. Mais ce gars-là, à ce qui paraît, qui est assez shaké par ses blessures qu'il y a eu auparavant. En 17 parties cette année, en 17 parties, les playoffs, il a compté 8 buts, puis en 82 games, il en a compté 9. Mérites-tu une autre année? On garde. Dur à dire. Ben, c'est dur à dire parce que. Ah, on a le contrat. Non, mais t'es rare. De toute façon, ben, Bourque est en contrat encore pour un an, je pense. Il est en contrat pour un an. Tu le gardes parce que c'est un joueur qui s'implique sérieusement. En tout cas, je te donne raison pour la saison. Ça n'était pas beau. Je me trompe, les boys. Ils ont là encore pour 2 ans. 2014, 2015, 2015, 2016. Puis Travis Moen, lui. Travis Moen est parti, bye-bye. Ok, check bien ça. T'as ce gars-là. T'as ce gars-là qui n'a pas joué les grosses games pendant la saison. Il a pris la place à quelqu'un d'autre. Puis ouais, ça revient plus, ça non plus. Ben, white. Okay, bon. Yeah, white. White. White. Ah, white. Non, white. En tout cas, check, t'as ce gars-là qui a joué comme une astie de saison de marde, OK? Il arrive en playoff, il te fait un hat-trick un soir, OK? Mm-hmm. Puis, en plus de ça, il va chercher le puck dans le fond de la zone. C'est le seul qui forecheck solide. C'est qui ont fait ça? Bickle à Stu Bickle? Oui, t'as bon. Puis, il n'y a pas Gostad. Ouais, Paul Gostad. Lui, il est rendu où, là? Ils ont donné quoi, 6 millions par année? Moi, je suis pas prêt, en tout cas. Le vu qu'on l'a pendant 2 ans, je regarderai. Alex, tu donnes pas 6 millions parce que Bourque, il n'y a pas de valeur. Ah non, mais de là, toute façon, on n'est même pas rendu. De toute façon, là, les boys, le Bourque, on le rachète. Va gagner 2 500 000 l'année. On rachète. On rachète. À 2 500 000. OK, mais check bien ça. On va aller en série, moi. Mais juste pour checker ça, en tout cas, Bourque, c'est un des gars qui a été chercher le puck dans le fond de la zone assez souvent. Mais fallait pas la saison, Calis. Oui, mais. Mais qu'est-ce que tu préfères? Un gars qui le fait pas pendant la saison puis qui le fait pendant un playoff pendant qu'un autre tout certain? Le temps, man. Ouais, mais s'il compte pas son hat-trick dans cette game-là. Tout le temps, man. Ok, s'il compte pas son hat-trick puis qu'il en compte juste un dans cette soirée-là parce que c'était une soirée de même, là, où il y avait genre plein de buts qui se comptaient de n'importe qui puis là, ça a donné qu'il a compté un hat-trick, il y a 5 buts en série, là. Ouais, il y a 5 buts, ça, c'est 4 de moins que Pacioretty, je pense. 4 de moins? 4 de plus. Ouais, non, Pacioretty, il y a 5 buts. Il y a 5 buts, ouais, voilà. C'est égal. Il y aurait eu égal de buts. Bon, on s'entend-tu que pour un gars qui a scoré 40 puis un gars qui en a scoré 9, tu fais vice-versa? C'est qui tu veux le plus en playoff? Pacioretty. OK. Correct. Mais je respecte tes opinions. Pour 5 buts, sans son hat-trick plus. Pour l'implication physique. Parce que je donne autre chose. Patiné plus. Faisons notre plus-moins des playoffs maintenant. Ouais, allons-y. Je vais flipper mon moins en plus pour Brière, pour les playoffs. Parce que Brière est un joueur de série, puis on l'a vu en nasty, là. Puis c'est pas pour rien que, comme je pense, 113 en 116 matchs, là, les, ouais, les points, là. Mm-hmm. Donnez-y du temps de jeu en playoff, Chris. Ouais. Bench pas Brière en playoff. Ça, c'est un con. Pour ouais, Pross, là. Yeah. N'importe quoi, là. Ton moins? Ouais, mon moins, évidemment, Vanek, là. J'aimerais d'ailleurs que le hashtag Vanek Décalis soit sur Twitter. Il l'a dit aujourd'hui, hein, c'est confirmé. Ça va tester le jeu. Il revient pas, là. Ouais. J'espère qu'on lisse Décalis. Good night and good luck. Ouais, va avoir du fun à gagner ton 7 millions à film, pas ça, rien faire. Ah ouais, mais c'est ça. Puis c'est le plus insultant là-dedans, en plus, c'est qu'il a confirmé aux journalistes « Je n'étais pas blessé ». Puis, j'ai juste joué comme la marde. Ah ouais, fuck you, man. Il a sauvé son physique. Va là, faire là-bas, là. Ouais, c'est ça. Il voulait les choses aller chercher un contrat. Ouais, c'est ça. Ah, gars, je suis plein de santé. Il était perdu sa glace. Ah, il cherchait rien. Ouais, non, mais il s'impliquait pas. Il faut que tu fasses plutôt au quatrième trio, là. C'est juste parce qu'ils veulent te bencher, mais ils peuvent pas. Parce que peut-être qu'en powerplay, tu vas te convaincre. Non. Tu sais quoi? Il a pas voulu le bencher. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est Bergevin qui est allé le chercher. Puis, je pense que t'as rien. Il a respecter Bergevin là-dedans, puis il sauve. Si tu benches un gars qui gagne 7 millions par année, le gars qui gagne 7 millions ne voudra pas venir jouer pour ton équipe parce qu'il dit « Chris, t'as déjà, tu vas me bencher. » Ouais, mais Alex, bien, on s'en calait. Non, mais c'est des gars qui ne veulent pas ça. Ouais, non, mais t'as rien. C'est des vedettes, là. Non, ils veulent pas. T'as rien, ça n'aurait collé, il l'aurait benché. D'après moi, c'est juste Bergevin, friendship avec Bergevin. Question réputation d'équipe. Je peux pas faire ça à Bergevin parce que je vais le faire passer pour un cadre. Le free agent, tu ne signeras pas à Montréal quand tu vois que t'as déjà traité un joueur qui gagne autant, 50 millions. Non, on a pogné un mercenaire qui a fait une belle fin de saison. C'est tout des primadonna, là. Ben, il a fait une belle fin de saison à Montréal. Ça a été cool son passage quand même. Mais en playoff, est-ce qu'on a eu besoin de lui pour se rendre en playoff, Vanek? Ouais, ça nous a aidé. On s'est rendu sans lui, oui, mais ça nous a placé comme dans le top. Ouais, ça nous a placé. J'ai plus sa tête bien, bien. Mais ça nous a-tu nuit de l'avoir en playoff, par exemple? Parce qu'en deuxième round, tu pondes comme le meilleur team. Ça nous a-tu nuit, c'est du quoi? Avec la nouvelle manière que les séries sont faites. J'ai plus sa tête bien, bien de finir en haut. Ouais, mais moi, je me demande dans un vestiaire, moi, comment tu le regardes, Vanek, puis quel genre de... Moi, je crache de ça, je pense pas ben, c'est ça. C'est dans un vestiaire. Dans un vestiaire, qu'est-ce que tu dis quand tu vois un gars qui. Quand tu vois des gars qui se défoncent comme Gallagher, t'as des gars qui foncent au net, comme Gallagher et tout ça, puis qui se défoncent des harnais, puis t'as un gars comme Vanek qui a le physique qui a. Pas de backcheck, pas de backcheck, pas de forecheck, fais juste des passes, tu croches. Il y a eu un but contre les Rangers, le but qui a été canné à 15 heures, je pense que c'était Haglin ou je sais pas trop qui. Il y a un but qui a été canné dans les airs, une puck levée, il a canné dans les airs, il était à côté. Il a même pas essayé de lever le stick, il a rien fait. Spectateur, man. Hey, je suis aussi bon spectateur que lui. Je pense que j'aurais donné le coup de bâton, moi. Pendant ce temps-là, t'as des petits joueurs comme Dernier qui sont tout le temps là-dedans. Ben dit ce Breezer. Vas-y, Dave, c'est ton tour. Moi, j'ai... Il va être dur le plus d'un série. On va parler des plus, on commence. Ouais, ben comme tu veux. Mais... Le plus d'un série, j'ai comme. Ben. Un autre choix que j'aimerais bien, ce serait Dale Weiss, mais je vais le donner à un défenseur. Dale Weiss. Il va donner à Weaver. Je vais le donner à Weaver pour. Je trouve qu'il a joué. Hey, très sérieux, là, il était inspirant, le gars. Il a tout bloqué ce qu'il pouvait. Oh, il était partout sa glace. C'est un gars qui se donne, ça. Mais c'est pas compliqué, là. Non, mais t'as genre Al Gill, pis t'as Weaver. Hé, sacrament, là. Attends un peu. Côté différence. Moi, Al Gill, là. Côté différence pour bloquer des shots. Honnêtement, il n'y en a pas. Côté mobilité, il y en a une en tabarnak. On a trouvé notre bouillon de Weaver. On a ressorti le nom de Al Gill, le numéro 75. Le gars qui joue avec un piano à queue sur le dos. Puis une grande crise de perche de bâton. Il était utile dans son temps. Non, mais ouais, je vais le donner à Weaver parce que je pense qu'il a joué du crise de bon hockey. Jacques Martin, ça va bien l'utiliser. Jacques Martin. J'aurais bien son d'après moi, Jacques Martin avait une relation. Mais bon, moi, je vais le donner à Douglas Murray. Alors, arrête. Il a même pas joué. Mais Weaver, ce que j'aimais, attends, juste pour finir Weaver, il y a un commentaire qu'il a dit la dernière année, il dit, je fais pour de vrai, il dit, je jouais pareil comme ça avec les Panthers. C'est juste qu'au moins ici, quand je fais un bon jeu, qui est pas un but ou quelque chose, le monde, il s'en rend compte. Ben, c'est un match de hockey comparé. Et ça, il dit, j'adore ça jouer ici parce que je bloque un tir ou je fais un bon jeu défensif, le monde, il m'applaudit. T'sais. Là-bas, je faisais même affaire avec les Panthers, j'allais me tourner au banc, je recevais une petite tape sur les fesses de mes. Mais personne dans l'amphithéâtre ne se rend compte que je vais se faire. Il faisait poigner mamelon sur le banc. Ouais, je me faisais faire les cheveux, tu sais. faisait ça tes cheveux. Puis Weaver, je pense que c'est un gars qui, contrairement à plusieurs autres joueurs, lui, il croyait, puis il voulait aller. Il est content de jouer ça. Il était dans le train de ceux-là qui voulaient se rendre. Le soldat qui était comme, gars, moi, là, shootez-moi la toute dans la gueule, les pocs m'en calissent. Je comprends pas les joueurs qui sont pas, qui se donnent pas à 100% après. Non, mais parce que lui. Il joue 82 games pour. C'est parce qu'il joue. Il joue pour le numéro, puis le nom, au lieu de jouer pour le crest en avant. Il joue pour la PME qui est. Mais lui, sa PME, c'est ça. Il a tout approuvé maintenant. Sa PME, c'est lui, man. C'est son nom dans son dos. Exact. Puis il a pas rien à prouver. Il est en fin de carrière. Ouais, il a pas le plafond. Lui, il était parti pour la longue run, là. Mais dans sa tête, là, il est à main. Lui, c'est sa chance. Il joue dans un marché de hockey. Il peut se faire valoriser, man. Il doit être une chance d'aller chercher la coupe. Il joue, man. Il fait de quoi? Ton moins, Dave. Mais le choix de Vanek est comme évident. Ouais. Mais je vais donner d'autres choses. Vanek devrait quasiment être exempté des moins. Ouais, Vanek devrait être exempté des moins. Il a tellement été bâché, ça sert plus à rien de dire. Mais je vais le donner... J'ai juste entre deux choix à part Vanek, là, mais je vais le donner. Je vais y aller défensif encore. Ah, je sais qui tu vas donner. Ouais, je vais le donner à Yimlin. Oh, non. Non, tu penses à qui? Mon partner. Ah, Barkov? Moi, c'est le mien, les gars. Je vous dis Vanek, moi, je vais donner Barkov d'abord dans mon moins. Ouais, moi, c'est Barkov. Yimlin, parce que. Honnêtement, si ça n'aurait pas fait blesser, je suis sûr qu'il n'était pas si blessé que ça. Je pense pas qu'il était blessé, moi. Non, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont comme sauvé la face un peu. Ils ont fait bien. Ah, t'es pas 100%. On ne mettra pas. Des dégagements ratés de des passes tout croche lazy là. Terrible pas capable d'aller super la bande j'étais un peu comme Marge j'étais un défenseur de Emeline c'est un gars que j'aime c'est un gars qui check on aime tout Emeline là. Puis Chris pas d'un série man il m'a fait chier ben, surtout dans les Rangers jeu, puis... ah, il a tellement manqué contre de robustesse contre les Bruins il en a manqué il en a fait tout, mais il était quand même un petit peu plus là contre les Bruins mais contre les Rangers ça a commencé contre les Bruins il était comme plus aware parce qu'il savait qu'il y avait Luchet à la patinoire et tout ça mais après ça il est moins 4 Markov aussi est moins 4 mais ils sont sur le même niveau de je veux dire mais c'est comme deux choix poor decision un but Markov un but dans toutes les séries qu'on a. Ouais, mais il y a 9 passes. Ton choix de plus, c'est de moins. Il y a 2 passes, tu sais. Il y a rien. Hey, mon plus, sérieusement, ça va être... Mon plus, pour vrai, je vais le donner à Tokarski. Parce que Tokarski, sérieusement, avec... Tokarski dans toutes ses imperfections. Tokarski dans toutes ses imperfections de goaler que noob là, qui arrive de la Ligue américaine qui jump dans des playoffs. Je peux juste pour son calme, pour tout ça. Je peux juste. Ça vite, là. Ouais, c'est ça. Je peux juste étirer mon chapeau là, pour s'élever mon chapeau. Vraiment, le Tokarski, bon, gars. Ouais, pour vrai, là, il mérite. Il est quand même rentré dans le carré d'or, dans la finale de conférence. Hey, il n'a pas eu. T'sais, comme tu dis, il a pas choqué, il a pas été nerveux, il a pas donné tant de mauvais buts que ça. Gars, il a fait ce qu'il pouvait dans mesure de ce qu'il pouvait faire. Ce gars-là a joué avec. J'aimerais qu'on prenne un moment pour savoir ce qui vient de se passer ici dans le studio. Non, rien, les gars. C'est allé party devant la porte. J'ai un problème personnel. T'as un secret du studio. Ouais, c'est ça. Puis après ça, c'est comme le flower, je le donne à Paturity. Fine. Je ne céderai même pas le colis. Je ne le traderai pas. On en a déjà parlé des hauts, puis. On commencera pas. J'enlève pas. Je suis le flower, là. J'ai raison. Je t'enlève pas que c'est un bon choix pareil, là. Mm-hmm. Bon, ben, moi, mon moins, j'avais dit, c'est Markov. Fait ouais. Vraiment déçu. Vraiment déçu, puis je leur signe-tu, je leur signe pas, je sais pas. Markov, 2 ans, pas plus. Il y avait des rumeurs que je voulais avoir de 3 à 5 ans. Il y en a même, mais il y a même des rumeurs de 5 ans. Fuck off, 5 ans. Il y a 35. Même 3, c'est beaucoup. Fuck 5 ans. Même 3, je le signe même pas. 3, c'est limite. 3, c'est comme la barrière. Il est parti. Même la 3e année, ça se peut qu'il soit dans les Astrales une couple de fois. Moi, à 2, demain. À 3, j'y pense. Ça, Markov, là, ça me fait comme penser à Sergei Gonchar, la dernière année à Pittsburgh. C'est le power play. C'est le power play, son espace passe en diagonale. Ah, ben, c'est du coup, à un moment donné, si pendant 3 ans sur signes Markov, ça veut dire qu'un défenseur jeune de pendant 3 ans ne peut pas monter. Non, non. Si Markov signe, mettons, pour 2-3 ans, il devient un. Laisse la place aux jeunes, prends le chance. Prends le chance. Puis tu l'embarques sur le power play, sa 2e unité, admettons, parce que c'est un excellent passeur puis une bonne vision. Prends le chance, c'est temps de passer à d'autres choses. Ouais, je prends une chance, je vais faire confiance à des jeunes. Ouais, mais t'auras rien, jeunes. Là, pour ça, là, je veux dire. Encore, lisse, non, mais il est joué autonome. Je vais prendre chance. Va t'en jouer pour les Panthers de la Floride. On n'a rien à voir pour ouais, mais ta profondeur, es-tu prête? Hey, t'en as 3, là. Ben, OK, t'as Tinordi, Beaulieu, puis... Patterin. Ouais, Patterin. Moi, Patterin. Je connais pas. Non, mais à un moment donné, faut t'en monter un, là. Faut que tu prennes un. C'est quand qu'ils vont être prêts, c'est quoi? Il va falloir en monter deux, là. Ben, non. Puis Connor Crisp, peut-être. Ouais, parce que Bouillon, il revient pas. Ouais, puis Murray, il revient pas. Bouillon, il va revenir. Bouillon, moi, peut-être. Non, Bouillon, il revient pas. Une dernière année. Je pense qu'il est fini, moi. Il coûte pas cher. Ouais, je comprends qu'il coûte pas cher, mais Bouillon, il va pas. Bouillon, il a pas... à 1 million. Déjà, cette année, il a passé. Ok, mais admettons. C'est ton 7-6. Il gagne rien, Bouillon, là. Il est solide. Il gagne 1 million, ben flush. Il est solide. Attends-toi qu'il va passer le 3 quarts de la saison des Estrades, comme il est arrivé cette année. Bouillon, il est 1,5 cette année. L'année prochaine, tu le signes à 1 million. Facile. Hey, pour jouer avec Piqué, t'as juste besoin de quelqu'un qui fasse une bonne passe. Là. T'as besoin d'un défenseur sur Piqué sur le power play. Piqué, non. Sur le power play. Georges m'a prouvé qu'il n'est pas capable de jouer avec Piqué. Non, sur le power play, on manque. Ah, c'est power play. C'est juste ça. Là. Mais voilà. Chris Bouillon, il score plus que d'autres sur le power play quasiment. Ouais, par la série, on a compté deux. Là. Qui freak out. Mon plus. J'ai pas dit mon plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu le gardais pour la fin, ça le désert. T'as pas de nom. Quoi, Front? De tout commencer par le plus. Moi, j'avais déjà dit. Monsieur sur des étapes. Fait que mon plus, ça va être. Nathan Beaulieu. Tenez Bourque. Je vais lui donner. Même si c'est bon, moi, je vais lui donner. Tu es content? J'ai adoré René Bourque en playoff. Vraiment, il est très bien joué. Il était vraiment impressionné. Mais c'est comme s'il pourrait jouer le même toute l'année. C'est comme collé, je regarderais. Mais c'est comme pour l'instant, je n'ai pas le choix de le garder pour l'instant. Mais je vais le garder. Mais j'espère que l'année prochaine, il va être aussi motivé. Mais ouais, wow, pendant la série, on va lui avoir donné un coup de pied. Ce trio-là avec Heller, c'était dans des games que les gars se présentaient pas. Tu sais que Dernay faisait tout sur le premier trio, puis que les deux autres, Vanek et Pacioretty, étaient dans le champ. Mais ce trio-là, c'était notre meilleur trio pendant bien souvent beaucoup de games. Que c'est notre spark plug. C'était notre trio d'énergie. Il faisait bien du forecheck. Il buzzait tout le temps dans la zone offensive. Moi, je catch pas sérieusement là, que dans la playoff, là, que Therrien, il n'ait jamais ramené aucune fois. Le trio de Desharnais, Patchio puis Vanek. Moi non plus, je comprends pas. Puis là, il l'a fait, ils l'ont fait en play, ils l'ont fait en power play. Parce qu'il faisait en power play, puis ça marchait pas. Power play, puis il score. Non, Vanek a scoré en power play. Il a scoré en power play. Là. S'en fout, ça a scoré. Mais ça, c'est pas le trio qui a joué ensemble. C'est pas des passes des amis au centre. Ah, mais je ne cache pas. C'est la pointe des vies. C'était le trio de l'heure dans la Ligue nationale avec la saison. Enfin, ça marchait pas. Les gars voulaient pas jouer. Gallagher voulait... Les gars, ils aimaient. Dernay, là, puis Pacioretty, ils aimaient pas ça jouer avec Vanek. Eh, ben, Chris Dernay, non, je pense pas. Moi, je pense non, parce que c'est un gars qui se traînait tout le temps les pieds en arrière, man. Ah, c'est un gars qui pourrait en repli défensif. C'est ça, puis il était Dernay, comme... il est premier en repli défensif. Les deux gars, mettons, étaient dans la zone offensive en forecheck. Si l'autre, ça y prenait comme Asti deux heures avant d'arriver, puis il aimait pas ça, man. C'est ouais, mais quand il se plantait deux patins dans la zone adverse, par exemple. Ouais, mais ça y prenait 20 minutes à arriver, c'est ça l'affaire, c'est que c'est long à arriver, il se les plante là, puis après ça, il est plus capable de. Après ça, ça y prend deux heures à retourner l'autre bord, man. Fait que les gars, fallait qu'ils. Non, il je pense que ça. Ce gars-là, il a abandonné tout simplement en playoff. Là, il a juste comme. Il a jamais abandonné. Ben, ma première ronde, contre Tampa, tu sais, je dis, il était là, et plus, mais. Contre Tampa. Hey, le contre les Rangers, là, tu vois, je pense que c'est la game 2, là. Wow! Ce gars-là, là, il était vraiment là. C'est, que je fais, ah, vois, il était perdu, il là, il savait pas quoi faire. Pas mais Tampa, là, sérieusement, là, il y aurait eu. C'était Lindback. Ben, ok, Bishop. Y a eu, ça m'a fait dire qu'avec Price, on aurait gagné. Il y a eu Bishop. Exact. Façon, sérieusement. Moi, je suis même pas d'accord que c'est un joueur de 7 millions, tu le benches pas. Fuck off. Il joue comme de la merde, tu le benches, puis tu mets l'exemple. Tu le vois qu'il voulait pas revenir. Il a dit, il a sauvé la face à Bergeron. Il a jamais dit. Peut-être qu'il a épargné Bergeron. Mais là-dessus, je rejoins un peu Alex parce que tu peux pas faire ça. Parce que tu peux pas montrer l'exemple ce que tu pourrais faire à un autre joueur. Fait que il y a tu pas un joueur, dans la ligue qui ferait ça. Tu dis à un joueur, okay, tu viens chez nous jouer, puis si tu joues pas, ben je peux te crisser sur le banc même si tu gagnes 7 millions. Okay, c'est encore plus insultant de bord de te faire mettre sur le quatrième trio quand t'es un ben, oui. supposément ben, de oui. vedette. Ouais, ça te fait, ça ouais. fait sentir mal en esti, pour de vrai. Ça te fouette, man. Ouais. Ben, en tout cas, ben, ça devrait. Certains, pas lui, lui, c'est comme pas. Non, je pense que en même temps, Danny Hitler, man, avec le Wild, il a été benché esti quasiment toute la saison. Ouais, c'est fucking asshole. Il vaut plus ça, puis le monde savent qu'il gagne 7 millions au coq. Ouais, ben ça, c'est ça. Il raide, c'est comme Gomez, tu sais. Dave, donc, il y a 5 millions, tu le benches, tu sais. T'as-tu les stats? Ben, pas les stats, mais les contrats qui se terminent cette année comme contrat. Ouais, ça, c'est ça que je voulais passer au travers. Qui qu'on garde, qui qu'on garde pas? Ben, avant, tu veux faire ça avant la fin de la période? Ben, la période est finie, mais on peut faire ça on là. On peut faire ça pour l'autre après. Ah, ouais, ça me dérange pas. On commence sur par ça, prochaine ben, période. On va faire un petit temps. Parce qu'on n'aura pas un gros around the NHL. Ben, il y en a pas mal, là. Ben, il y en a un peu, mais on va passer ça. Ok, ok. On s'en va dans le tract. On est de retour pour la troisième période. On est de retour. Cette dernière troisième période de nous la saison. Nous sommes là! Ouais. Vas-y, Dave, avec qui? Ok, ben. Bon, ben, ok, on va commencer le premier dans la liste ici. J'ai Brian Gionta. On garde ou on garde pas? Ah, non, okay, on va faire chaque. On garde ou garde pas? Ouais, c'est ça. Okay, je vais commencer dans la liste, là, ceux qui finissent cette année. Là. Okay, Brian Gionta, okay. Capitaine de l'équipe, a gagné 5 millions en 2013-2014. Il est UFA. On garde ou on garde pas? Moi, je l'échange. Ben, tu l'échanges pas, UFA. Ah, UFA. Ben, tu vois. Moi, je le garde. Mais à combien? C'est ça. Ça dépend. Je regarde à 3 millions pendant 2 ans. Ça dépend du salaire. C'est ça. On commence à jouer au dealer. Parce que c'est quand même un dealer. Mark, tu gardes ou tu gardes? C'est quand même un dealer. J'ai dit un dealer. Un leader. Le gars, c'est un dealer, man. Gionta, je pense qu'il y a d'autres équipes qui pourraient être intéressées et qui pourraient aller chercher ses services. Puis si on s'en va dans le battle, tout ça, pour garder ses services. Moi, je serais prêt à laisser aller. Pas de battle. On s'entend qu'on le garde parce qu'il veut jouer ça. Puis, c'est pas de battle. Ouais, mais sérieusement, dans le cœur de l'équipe, il y a de l'air d'être cher au cœur de l'équipe. Ouais, moi, je pense que dans le vestiaire, je pense qu'il y a un gros impact. Puis pour Bergevin aussi. Ouais. Parce que mais Bergevin, moi, il l'a vraiment protégé. Bergevin est en amour et jeune. Ça n'est pas du prix, dans le fond. Ouais, exactement. Ben, ça n'est pas du prix. Le salaire puis les années. Est-ce qu'on est capable de se grossir un peu puis tout ça? Oui, puis je vais te dire comment. Je suis prêt à laisser aller. Moi, personnellement, je suis pas te laisser aller, John. C'est un inside qu'on s'est dit en honte. Mais si on le garde, est-ce que vous lui laissez le capitaine? Oui. Ben oui. Ben absolument. Si tu le gardes, c'est pour le capitaine. C'est la seule raison. Ah, mais moi, je te dis, tu peux pas tomber en amour avec tes joueurs. Tu peux pas tomber en amour avec tes joueurs. Tu rock, tu peux pas. Tu crasses Tu rock, tu crasses. Toi, Alex, tu regardes ça? Ah, oui. Ok. OK, le next qui vient sur la liste, bon, ben là, après ça, on tombe dans des RFA, c'est Lars Eller. Fait que ça, c'est le seul unrestricted free agent, ça se peut pas. Vanek, non, attends, j'en ai d'autres. Douglas Murray. Parce que là, je check dans la liste, là. OK, Vanek. Vanek, décalé. Bye, my lover. Fini. Bye-bye. Bon, un deuxième qu'on va dire bye-bye, George Parra. Bye-bye. Lui, probablement bye-bye dans la ligue au complet. Parra s'en va, on garde sa moustache et tout. Pas grave. Après ça, Mike Blunden. On peut dire des Paras puis mettre la Ouais, mais Blunden, ça, c'est en bas. C'est pas grave. Ils vont leur signer des bons Paras. OK. Maintenant, bon, on tombe dans le croquant, là. Ouais, vas-y. André Markov. Encore, moi, je vais dire la même affaire que pour Gionta. Je le garde. Ou je le garde pas. C'est une question de salaire pis de temps. Je le garde pas. Bon, ben, moi, je donne la chance à un jeune. À 2 ans. Ah, je pense que t'en as encore besoin, moi. T'as pas de joueurs qui sont Je prêts. Je sais que c'est un risque, mais je prends le risque. OK. Ben, c'est pour demain, j'ai le goût de dire je le garde parce que j'ai peur, mais... Non, on le sait pas. Moi, je pense qu'on est trop mal pris à la défense pour le perdre. Pense qu'il va tellement vouloir, il voudra rien savoir de 2 ans. Il est assez comme il veut. Il a même pas rencontré les journalistes en fin d'année. Moi, je pense qu'il est déjà parti. Okay. C'est pourquoi il a pas rencontré les joueurs en fin d'année? Les journalistes en fin d'année, c'est le seul joueur qui a pas été. Ouais, mais il a même pas parlé, man. Non, non. Il est pas de même, Markov. Par exemple, je veux dire, c'est un il gars. Il a été là toutes les années passées, là, à cause de son signe. Markov, pas qui rencontre pas les journalistes, pas surprenant. Non, mais en fin d'année, il a toujours été là. Tous les joueurs étaient là pour lui, man. Sérieux, Alex, qu'est-ce qu'ils vont jaser de Markov, là, les journalistes, à pouvoir lui demander? Oui, je pense qu'il sait déjà qu'il est parti. Encore signé à Montréal, il aime pas ça, ces affaires-là. C'est pas son style. Moi, Markov, là, j'imagine, 2 ans, ça serait possible. Il signera pas 2 ans, il va être bloqué à 3. Puis je comprends que Markov va vouloir signer comme 3 à 5, peut-être avec un autre club. Il n'y a personne qui va lui donner 5 ans, sérieux, là. Les Panthers donneraient 5 ans. Les Islanders donneraient 5 ans. Ouais. Il y a des teams qui donneraient 5 ans. Ah ouais, Islanders, vas-y, va jouer avec les Islanders. Snow. Il y a un épais qui va lui donner 5 ans. Snow va tout donner pour n'importe qui. Ah, Snow pourrait être. C'est pas un épais pour de vrai. Tu peux lui donner 5 ans à Markov. Tu sais que il a 35 ans, il va finir à 40. À la fin, il va être un défenseur qui va être lent et tout. Mais il va toujours aider ton équipe. Ça va être un contrat décroissant rendu. Non, non. C'est sûr. Mais Markov, il y a eu trop de misère. Fait que c'est quoi? Toi, tu gardes-tu? Pas en 2 ans. Fait que c'est conditionnel aux années. C'est conditionnel. Moi, je dis non. OK. Fait que, ben là, tu réponds pour moi. Là. C'est ça, t'as dit 2 ans. Ça, j'entends. Ben 2 ans, 3.5, on n'en parle plus. Okay. Mais c'est sûr que je comprends que le gars, il veut assurer sa retraite, ses beaux jours, puis il veut aller signer un beau contrat. Mais l'affaire, c'est qu'à 2 ans, Mart, tu vas le payer plus que 3.5, je pense. Bon, peut-être 5, là, dans le pays. Mais 5 millions, c'est cher. C'est cher pour lui, sérieusement. Il y a du monde qui pousse. Prochain joueur. OK. Après ça, on tombe à Francis Bouillon. Non, je signe 1 an, moi. Ah, mais non, moi, tout 1 an, mais. Moi, je le prends 1 an, 1 million. 1 an pas plus, par exemple. Two way? Two-way, peut-être. Non, il signera jamais Two-way. Non, ben, si Darche n'a pas signé Two-way, Bouillon ne signera pas Two-way. Non, mais OP, tu le benches, là. Bouillon va se ramasser. Il est capable des estrades. Bouillon, tu ne l'envoyais pas, genre Two-way, genre, tu l'as renvoyé dans les mineurs. Tu l'envoies pas Two-way, mais tu le gardes pour un an à 1 million. Oui. Je pense que je dis donne parce que je pense qu'il y a des chances de partir, mais moi, toujours, je regarderai. Je regarderai encore. Non, parce mais que je donnerais la chance à un jeune, mais je donnerais pas la chance à deux. C'est sûr qu'il y a des jeunes qui vont monter. On dit ce qu'on veut un qui monte. Parce que Douglas Murray reste pas. Puis anyway, il va avoir une place okay, à lui. OK, mais justement. Puis lui, il va alterner avec Douglas. Douglas Murray. Mais non, c'est sûr que tu gardes pas. Non, mais attends une minute. Là, tu dis que Douglas Murray reste pas. Mais si tu gardes Markov, là. Ouais. T'as Markov, Emeline, Georges, Subban, Weaver. Puis. OK, mais Bouillon. Weaver, donc Weaver, on a Weaver aussi qui est t'as Bouillon. UFA, fait que là, ça, ah, Bouillon. Moi, j'enlève Markov, fait que tu tombes à 5. Fait que moi, c'est ça, je donne la chance à un jeune. Mais là, tu montes Tenordi. Mais c'est ça, mais là, si tu montes Tenordi, tu montes Beaulieu. Puis là, t'es correct, t'as toute ta profondeur, puis après ça, t'as l'autre, là, t'as le Patterson. Mais ça, faut t'en sacrifier un en Bouillon. Faut t'en sacrifier un Bouillon. Ah oui, là, il manque Weaver. Ouais, mais en Bouillon, ça, mais Weaver, pas Weaver, c'est parce que Weaver, c'est un autre UFA. Là, t'as pas Weaver, là, on tombe à 7. Fait que moi, c'est ça. Non, mais on est correct. Ça, c'est correct. On a trois defs qui sont dus pour monter. Là. Ben, c'est ça. Moi, j'enlève Bouillon, qui Markov. Ça, trois. Je garde Weaver à la place de Bouillon. Beaulieu. Ouais. Beaulieu qui va prendre une place. Bah, Patterson, je pense pas qu'il prête cette année. Je pense pas. Beaulieu va monter, je pense. Beaulieu puis Tenordi. Ok. Ouais, mais admettons, tu gardes Bouillon. Regarde, t'as un alternate là, entre Bouillon, Patterson. Donc, tu peux pas le retourner en bas. Non, mais t'as tes 7 défenseurs. Tu peux tout le temps mettre un des estrades. Ben, t'en mets un des défenseurs. Exactement, puis t'en ramènes un d'Hamilton. Bouillon, il s'est promené ses estrades cette année entre Murray, Bouillon, puis gars, c'est correct. C'est le même, ça marche. Moi, je mettrais les deux. C'était qui après? C'est Weaver? Ouais, ben moi je le garde. Moi aussi je le garde, Weaver. Ouais, Weaver, ouais. On a besoin de défenseur droitier. Puis je pense que si tu me donnes le choix entre Weaver puis Bouillon, je prends Weaver. Parce qu'il y a probablement le même style de jeu. Droitier. Deuxièmement, il est droitier. Ouais. C'est la grosse affaire, c'est droitier. Le seul l'autre que t'as, droitier, c'est Subban. En tout cas, j'ai hâte de voir mon Weaver l'année prochaine. Je veux dire, Weaver, c'était correct pour l'empereur de cette année, dans le feu de l'action. Je pense qu'il va te donner la même affaire. Bon. Ben, j'ai hâte de voir l'année prochaine une saison complète. Mais il peut jouer sur le prime. Hard, il est 1.1 présentement. L'année prochaine, tu le signes pas plus. Je comprends. C'est pas l'aspect salaire, Dave. C'est pas l'aspect salaire. Parce que ce gars-là, il gagnera nulle part ailleurs. Anyway. Mais il veut jouer ici. Il gagnera pas plus ailleurs. Anyway. Je comprends, il veut jouer ici. Mais c'est qu'on veut du caractère. C'est pas un gars que. C'est sûr que Benjamin veut le caractère. Tu vas pas lui donner bien des minutes. C'est pas un gars qui va te sauver la vie. Là, tant il que nous ça. En a sauvé la vie, puis ils ont donné des minutes. Non, il va patcher. Il va patcher correct parce que c'est de l'expérience. Mais c'est un gars qui va se fatiguer comme assez rapidement. T'en as besoin de joueurs comme ça avec l'expérience. Ouais, mais je veux dire. C'est, droitier. C'est un détail. Weaver, c'est mais un droitier. Détail. C'est un détail. Là, on a besoin de plus de profondeur que ça, sérieuse, à défense. Donc, si tu prends pas Weaver, tu montes plein de joueurs de la. Non, ça, je comprends. Un jeune, OK. Ben là, c'est le temps. Deux dans le top. Non, un, ouais, c'est ça. Puis l'autre, Tenordi, tu mets 7. Ça te prend Tenordi. Non, excuse. Ouais, c'est ça. Tenordi, Weaver, genre ensemble. Là, that's it. Là. Puis Beaulieu, tu le montes un petit peu plus haut. Beaulieu, juste sur Piqué avec un powerplay avec Subban. Georges, avec à l'âge qui est rendu. Piqué avec du Piqué. Mais Georges, Georges ne peut plus lui donner tant de responsabilités que ça plus. Là. Non. Puis, en tout cas, on verra. Mais à défense, sérieusement. C'est un méchant casse-tête. Il y a un beau casse-tête à faire. Ben moi, hey, Alex, c'est un beau problème. Ben moi, c'est un beau problème. Déçu, c'est j'avais des options. C'est Georges, fait que si tu peux l'échanger au pire, ben. Ben non, t'échanges pas Georges, man, parce que Georges, c'est le vestiaire en plus. Ouais, mais il y a des c'est ton spirit, ce gars-là. Ouais, mais Georges, tu t'attends à quoi, Chris? Que c'est un top 2? Un top 3? Un top 4? C'est un cinquième défenseur, man, Georges. C'est ça, mais Chris, faut que t'aies de la. Ouais, mais Chris, faut que t'aies du stock avant lui, man. Ben, certain, c'est ça. Ben, ce stock-là, c'est supposé devenir Tenordi puis Beaulieu, ce stock-là. Et l'année prochaine, ça va être ça? Non. Ben, idéalement, oui. Non, pas l'année prochaine. Ben, c'est ça, pas l'année prochaine. Ils n'ont pas joué dans la Ligue cette année. Ça va être piqué, ça va être piqué, Georges. Ouais, mais Dave, c'est justement, c'est le temps que ce monde-là monte, puis que là, il commence à alterner, puis il commence à dropper un peu. Donc, tu gardes, mettons, Georges, c'est sûr, OK, tu le gardes, piqué, tu le gardes, Yemeline, tu l'as. Bon, après ça, t'es rendu à 3 drettes là. Ça va être piqué. Ben, Dave, là, t'as Weaver, qu'on dit qu'on garde tête, t'as Bouillon. Ben, Bouillon, ça, c'est. T'as Markov. Bouillon, calcule les pas dans l'équation. T'as Beaulieu pis Tenordi. Calcule pas Bouillon dans l'équation. On enlève Bouillon, ok. On enlève Bouillon. T'as déjà joué au gérant d'estrade ici, là. Ouais, on va juste faire des oui pis des non. Next. Ça en vient trop gros. Ben, c'est pas mal ça, les boys. Non. Hein? C'est, ouais. Y'a pas d'autres attaquants? Restricted Free Agents, non? Non, les autres, c'est des Restricted. De Lars. Lars, ah, bon, ben... Tu fais-tu un offre ou tu laisses partir? Ben, Lars, il gagnait pas gros, fait que je lui offrirais pas ben plus, honnêtement, parce ben, que... Ben, Eller, tu le laisses, là. C'est le troisième trio, là. C'est ça. Ouais. Parfait. Après ça, qui? Après jeunes, ça, t'as Ryan White. Bye bye. Puis parce que pourquoi? Parce que Dale Weis prend sa place. Ben prend place bon Travis Bowen. Bowen, il est bon man jusqu'en genre. Ah non. On rachète lui. Bowen là. L'échange rachète. Bowen avec sa commotion cette année là. On a deux à racheter. C'est ça. Mais Weis, c'est sûr tu le gardes. Puis ok, ben là je vais tirer mon two cents. Ben oui, c'est qu'on rachète. J'en reviens les boys avec Michael Blondin. J'en reviens avec Michael Blondin. Ah ouais, Alex, c'est deux cents. Ben qui qu'on rachète? On a deux rachetages à faire là. Ben, Moen. T'es obligé de faire les deux, mais. Ben ouais, Moen. Moen, oui, là. T'auras rien rachètes? Pour Moen de toute façon. Là. Ouais, mais ça dépend qu'est-ce que tu fais, tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu veux aller chercher. Ça dépend que. Non, t'auras rien. À zéro, là. Si, tu vas même pas chercher, tu vas chercher un prospect. Tu vas chercher un cinquième. Non, mais si tu le rachètes, je parle. Si tu le rachètes. Ah, tu le rachètes. Si tu le rachètes, c'est parce que tu veux soit faire de la place, puis on s'entend-tu que des. Non, mais Weis est là. Ben t'as besoin de. Ça a l'air quand même gagne, là. Weis, c'est ça. Non, Moen. Moen? Ah, 1,8 million. Bon, on va là. Tu libères 1,8 million. Il est fini. Pour 500 000. Ça te libère un peu d'argent. OK. Ouais. Puis ouais. Tu rachètes Brière. Ouais. Non, mais écoutez, le jour. Mais là, c'est qui que tu vas monter, puis qui. Non, non pas personne. On les veut les 2 cents, Chris. Ouais, c'est ça. Regarde, moi, là, mon plan. Ouais, ton plan quinquennat. mon plan pour l'année prochaine, tu rachètes Brière. Merci plan beaucoup. C'est marde, là. C'est mal parti. Non, tu rachètes Brière, puis tu vas chercher Brian Boyle des Rangers, qui est UFA cette année. Ouf. Hey, comme ça, le quatrième trio. Bon, monsieur joue. Hey, on se grossit, man. On se grossit ce quatrième. Tu serais pas un peu bandé, Dan Boyle. Ben, ouais, pas Dan, c'est Brian. Brian Boyle. Puis Chris, c'est un assez de bon centre de quatrième trio, là. Oui. Puis qui gagnerait peut-être le même prix parce que là, il va peut-être. Il s'est rendu à la finale de Coupe cette année. Puis au moins, il est beaucoup plus gros. Ah, là, il va se bouger. Là, on a le checking line. Moi, j'irais repêcher le dos. Hey, Alex, sais-tu que c'est après 5-6 bières, là? Commence à trouver ça. Ça fait du sens en man. Brière, je dis, il est bon, mais un centre de quatrième. Chris, tu le gaspilles. Va faire une autre équipe. Ben, tu prends Brian Brawl, Dale Weis. Un Brière qui accepte quoi, son rôle. Raymond Bourque. Raymond Bourque. Regarde, sérieusement. Je m'en confesse. Team ici. Je m'en confesse. J'ai fait la paix avec Brière pendant un playoff. Bon, ouais, j'ai trouvé qu'il y a eu un bon spirit pour vrai. Puis il a été. Il a une bonne attitude, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il a vécu cette année? Il a une bonne attitude pour lui donner. Puis oui, il était là pendant un playoff. Mais comme centre de quatrième trio, ce gars-là n'a pas d'affaire là. C'est sûr que Therrien n'est pas bandé et brillant. Non, il l'est. Fait que prends Brian Boyle, man, des Rangers, man. Allez checker ce gars-là jouer pendant la finale de la Coupe Stanley. Puis mettez et ça sur la quatrième ligne. Il n'a pas joué longtemps, moi, je pense. Ben, pas grave. Checkez-les pendant qu'il joue. Checkez le flash. Checkez le flash là, pendant 4 matchs. Checkez 3 matchs. Quelques instants. Ben, moi, c'est, en tout cas, c'est ça que je ferais. Puis je pense que ça vaudrait la peine. Ces deux-là, t'es rachète. Moen Brière. Prime Boy. Ça fait-tu le tour des contrats? Ben, ça fait le tour des contrats. Ouais, ça fait, là, ça fait pow! Ça fait le tour complet. Ben, on a pas mal fini de parler de ce qui était stats et tout ça. Overall, votre appréciation du Canadien cette année, le team, ben, les surpris, les bons coups, les mauvais coups, qu'est-ce juste que wow, okay. Gazon, là, est-ce wow. Qu'on pourrait ressortir, ça serait fun de faire l'exercice de ressortir qu'est-ce qu'on avait fait comme prévision. Moi j'avais dit 4e, 5e, je me rappelle bien. Moi j'avais dit 9e. Toi t'avais dit qu'on faisait pas une série. Moi j'avais dit genre tu disais comme moi, genre 4-5. Mais ça, t'avais dit comme. Non, moi, sérieusement, on n'était pas très optimiste, personne, là, pour. Moi, je disais quatrième. Ok, mais est-ce que quelqu'un aurait prédit la saison de Carey Price cette année qu'il y a non. Eu? Non. Hey, non, on avait tous des doutes en début d'année, ouais, mettre ouais. Cacos qui avait chiolé, puis tout, puis on disait, ça, c'est cette année qu'il faut qu'il se prouve, sinon il est out. Ben, c'est ça qu'il a fait. Ouais. Bon, félicitations, on aurait dû penser se rendre dans le carré d'as en playoff aussi. Jamais. Ah, le carré d'as. Le carré d'as. Moi, je disais qu'il faisait les playoffs. Ça, c'est un terme de tennis, un peu. Ouais, mais ça s'applique dans tout, ouais, c'est ça. C'est même les cordes au, de même dans, au basket. Même au baseball. Au baseball, au basket. Hey! Fuck it, si on parle pas de baseball. Ouais. C'est bon du baseball. On parle-tu de... On va faire Pascal. Après, on parle-tu des Blue Jays? On va s'appeler l'émission Le Coup Sûr. Podcast de baseball pour l'été. Le Coup Sûr. On parle des Blue Jays, du baseball. Les Blue Jays. Avez-vous le but sur balle? C'est-tu que ce serait mauvais? Bienvenue au but sur balle. Au but sur balle, ouais, c'est très bon ça. Au foul ball! Au foul ball. Pas sûr qu'on aurait un grand public francophone de podcast. Les foul ball! Les foul ball! Anyway. Les cas de ouais, anyway. Le run home. Run home. Home, Peter. Wow. Bangarang, Rufio! Bon, OK. OK. Est-ce que vous accordez une prolongation de contrat à Michel Therrien? Ben oui, il l'a déjà dit qu'il l'ont faisait. Dit, ouais, ouais. Ben non, de la merde, Steven. Fire Therrien.com. Fuckers. Non, mais satisfait ou pas du travail de Therrien? Wow, pas de vrai, man. Oui, critique pour ça. Oui, sérieusement, l'affaire. Je pense que l'année prochaine, les attentes vont être plus hautes pour le Canadien. Parce ouais, mais non, c'est l'erreur à faire, finale, ça. Man. C'est l'erreur à faire. Pour de vrai, l'équipe l'année prochaine, je pourrais dire qu'on va finir peut-être comme 6-7e. Ah, mais comment tu peux dire ça? Parce qu'ils vont être tous sur un hype. Là, on va penser, si on finit premier, on finit premier. On sait même pas l'équipe qu'on va avoir. Je sais, mais tout le monde va penser ça quand même à Montréal. Le monde à Montréal va dire, on finit premier, on sera en couple. Moi, j'ai bien hâte de voir. Je pense qu'on va être déçus. Pour de vrai, c'est comme en 2010. Parce que pour vrai, moi, je pense que. Touche pas son laptop. Excuse-moi. Hey, t'as vu, je vais donner un tilt. Attention, mon bouton power, c'est le laptop. On t'a enregistré. Ouais, je record ça encore. J'ai hâte de voir parce que Therrien, là, il va peut-être composer complètement avec un team différent, genre quand on va un team différent. Un team alors, l'accent. Therrien va composer avec un team différent. Simon Testy vient du nouveau. Ah oui, j'arrive avec un accent acadien. On arrive avec un team différent. Hey, c'est la saison du humour! L'année prochaine, il fait toute la saison avec un accent gaspésien. Il n'y a aucune raison pour qu'on en parle jamais. Un team différent, c'est la saison du humour! C'est quasiment comme un accent gaspésien et tout. Un team différent. En tout cas, je m'excuse. Whatever, non, c'est correct. Non, mais sérieusement, Therrien va composer avec un team différent. Peut-être l'année prochaine. Puis après ça. Non, mais je veux dire, il va cracher sa main sur le laptop. Peut-être. Encore une fois. Non, mais peut-être aussi qu'il n'y aurait même plus de Janta. Il n'y aurait même plus de whatever, tout le monde qui va faire. Ben, il va peut-être avoir des nouveaux joueurs, des nouveaux leaders. Tu sais, on sait pas. Hey, re-sign Therrien, point gamme. Le fond, ce que tu dis, là, c'est qu'on va avoir un team différent. Ben, l'année prochaine, un team différent. Mais, non, mais c'est comme qu'ils disent. Ils disent tout le temps, chaque année, quand tu finis, faut, c'est à recommencer. Hey, à zéro. Niveau courant, là, prochain épisode, on soit radio. Hey, cette année, hey, ça a l'air qu'à chaque saison, Alex là, commence au match numéro 1. Ben, c'est mais. Cette année, on n'a pas eu de blessés. Pas bien, ben. Il y a aussi un adage qui dit qu'en playoff, c'était une toute nouvelle saison. Ouais, aussi. Ouais, ouais, vas-y, Alex, sors-nous un autre cliché. Ouais. Ben, c'est ça. Tout va dépendre des blessures. Bon, ben, ok, oui, on ramène Therrien. Ben, on ramène Therrien. Il l'a dit, Bergevin, oui, la décision est prise. Sérieusement, Therrien, là, c'est le plus gros gambler de la Ligue nationale en plus. Là. Qui? C'est comme. Regarde ça, je joue au casino. Therrien. Therrien. Therrien, c'est un gros gambler. Therrien, c'est un gambler. Therrien, c'est un gros gambler. Un gros gambler. Il fait des gageurs. Sérieusement, là, il aime ça, embarquer un goal. Il aime ça, troubler son équipe, on dirait, puis mettre, tu sais, sortir un house ou n'importe quoi. C'est plus crédible aussi quand je parle. Il aime ça sortir un os. Cet accent qui fera le tour de la ligue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'utilises tout le temps? Sortir un os. C'est comme ça. Ben. Pas un os, un os. Il aime bien ça aller pocket ace. Ok. Bon, ben. Effectivement, ma fin. Non, mais pas vrai. Therrien, ouais, il a fait des gros gambles tout le long de sa saison. Tous les moves qu'il a fait, Asti, il a eu c'est raison. C'est comme une fois qu'on a chialé sur un move de Therrien. Jamais. Puis final. Non, mais Therrien, sur ses choix de goaler. Jamais. J'ai jamais fait ça. Non, mais le move de Therrien avec Brière pendant la série, on a chialé. Non, pendant la saison, on n'a pas vraiment chialé sur la pire affaire qui est arrivée à Therrien cette année, ça a été vraiment comme ses affaires, ses décisions de bencher Souben, que c'était vraiment comme. Il a pas fait ça cette année. C'est l'année passée. Non, c'est cette année. C'est cette année et tout. Ben, quoi, c'est pas benché sous Ben cette année? Hey, Benchburg. Ah ouais, ok, ok. Ah, tu veux pas dire amener en haut, tu veux dire le benchier pendant le game. Oui, le punir, là. Tu sais, il dit comme... Il est rough avec Anesti. Ouais, mais... Parce que Souben a joué 82 games. Est-ce que Souben a moins bien joué à cause de ça? Parce que t'as rien été rough? Moi, je pense qu'il est capable d'aller chercher le meilleur. Je pense que non. Ben, c'est il prime, Asti, man. Ben, il est fâché pour l'autre game d'après, puis il veut prouver qu'il y a pas de. On l'a dit à l'épisode 14. Souben se fait bencher une game, il revient, il est aussi bon la game après. Oh, ouais, il s'en fout. Il a une si bonne attitude, non, mais il s'en fout, mais il joue toujours. Il va jouer bien. Il a ben. C'est ça qui s'est c'est passé. Souben, Alex. Fuck it. Ok, fait là. C'est ce que j'ai dit, là. Non, mais pour vrai, Subban, ça, c'est une autre grosse surprise cette année. Subban, avec le comportement, comme les gars, ils arrêtaient pas de bâcher dessus, de dire, Subban, il parle trop, il est trop fatiguant, c'est un gars qui prend la place. L'année passée, cette année. Blablabla. Hey, cette année, il s'est surplacé sa crise de ligne droite depuis que Tani est arrivé, là. Sérieusement, c'est un gars qui a eu une progression mentale, je trouve, comme. Okay, mais c'est dans quel match, à un moment donné, on perdait, puis il a scoré un but, puis tu as juste. On perdait, je pense, 1-0 pendant un bout ou. Je m'excuse, je me rappelle pas. Puis il a juste compté un but, puis t'as vu, il a même pas célébré, mais il était juste comme en crise. Là. Il a juste attendu les gars, puis c'est comme ok. Puis il a même pas d'un fait comme série, tu parles, là. Tu parles d'un série? Ouais. Tabarnak, on a. Ouais. C'est un love-hate, man. Ça. Non, mais c'était que là, il a juste ramené les gars, man. Il a juste fait ça de nous faisant, c'est beau, bien sûr. Ouais, ouais, il était même pas fier. Il est mindé. Mais tu sais, comme il était juste comme ok, je l'ai eu, mais c'est beau. Il célébrait même pas. Sauf qu'une coupe de game avant ça, je trouvais qu'il avait l'air. Ça, c'est contre les Rangers. Puis j'avais l'impression qu'une coupe de chiffres avant ça, puis la game d'avant, il y avait. On aurait dit que. Il avait lancé la serviette, genre. Il n'a pas lancé la serviette, mais il n'y a rien qui marchait. Sérieusement. Il n'y a pas eu un good bounce. À chaque fois qu'il essaie de faire de quoi, ça ne marchait pas. Moi, ce que j'ai vu de Subban, le dernier match, pour vrai, c'est un gars qui était comme fatigué. Là sérieusement, il était fatigué. Contre les Bulls, il avait l'air au bout de sa corde. Il essayait tout le temps. Il n'avait plus ses jambes, il n'avait plus son patin. 7 minutes par game. Il était brûlé, puis il essayait. À son âge, je n'ai pas d'excuse, mais. Ouais, mais. Non, Alex. Sérieusement, c'est beaucoup. Markov, combien d'années qu'il a joué ça? Ouais, mais il a jamais joué. C'est pas Subban non plus. Je pense pas qu'il a jamais joué. Non, mais je dis à son âge. Ouais, mais. Tu sais, mentalement. L'émotion, physiquement, il est sweet. C'est overall. Subban a fait les gros calls cette année. Mentalement, justement. Non, mais pas juste les jambes avaient de la molle. À la fin, je veux dire, c'est comme. Ah, les gars étaient. Les gars étaient brûlés, ben raides. T'as plus là. Non, mais je veux dire, ça. Puis Subban. J'ai ça utilisé ça comme. Comme excuse, parce que les Rangers ont joué plus de matchs que le Canadien. Ils patinaient plus vite quand même. Je veux dire, c'est quoi? What's your excuse? Pourquoi que toi, t'es fatigué? Parce que quoi, t'as joué contre les Bruins, supposément qu'ils frappaient plus? Non, je m'excuse, il y a des matchs que vous avez frappé plus. Ben, sérieusement. Non, c'est pas ça. Puis le plus weird là-dedans, c'est qu'on a dominé les Bruins. Je pense que c'est plus dans hey, est-ce que on a l'Acadien? On a l'Acadien. On a Saguenayen, est-ce que les Bruins. Ouais, Jean de Québec les aussi, là. Bon, ok. Alors, on a. Ok, fait que là, dans le fond. Non, mais on les a dominés, là. Dans le fond, sur les mises en échec, pour vrai, on a joué certains pas mal plus tough que eux autres. Certains matchs. En général, je trouve qu'on a joué les plus tough que eux autres. Les matchs qu'on a gagnés, on les frappait plus. Ouais. Les deux derniers. C'est ça qui fait la différence. Oui. Oui. Effectivement, Martin. Oui. Des regards comme... Oui, Martin. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Des regards de post-mortem avec des petites gorgées sûres. Ouais, écoute, c'est le post-mortem. C'est ça, donne de la. Des vomis. Bien dans la. Des petits renvoyous. Non, mais. Regarde, faut faire le Around the NHL, là. Ben oui. Non, mais c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on fait un Around the NHL ou on le. On devrait checker le feed sur Facebook. Whatever. Là, c'est ce qui se passe. De toute façon, là, on s'entend que s'il y a un round de NHL, ça va être comme assez décon. Hey, un round de NHL. Un round de la Ligue nationale. People are fired, people are hired. Il y a du mouvement de joueurs, c'est le fun. Et voilà. Pas fait ça, hein. Suivez notre Facebook et la soirée du podcast pour toutes excusez, les nouvelles. Il parle pas d'une cigarette électronique, là, en passant. Vous êtes tellement fancy avec vos gadgets, là. Arrêtez de fumer, ici. Dites-moi félicitations sur Facebook. Félicitations. Tweetez-moi ça. On va faire un trend pour Alex. Félicitations, Alex. Félicitations sur Facebook. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un run in NHL ou? Ben, ouais. Dave, je sais pas si c'est des rumeurs, des nouvelles rapides tu veux passer. Là. Bon, on passe ça, style les boys. Attends. Around the NHL. Pour la dernière fois cette saison. Oui. Okay. Pas après ça, là, à la fin du show, il faut tout que tu fasses jouer toutes les sons sur le board. Ouais, je vais. Sur les deux nouveaux aussi, la jasette. Je vais y aller dans l'ordre. Je vais y aller dans l'ordre que ça a été posté dans le sens de plus récent à plus. Ok, puis on peut se dire, on s'en calisse ou pas. Hey, Jeff Mallette, on aurait juste un shout-out. Ça, notre super job. Hey, justement, notre chercheur Jeff Mallette vient de poster il y a une heure à peu près. Selon Renaud Lavoie. Non, t'as peu. Ça veut dire qu'il coupe pas le show, ça? C'est pas recherché, c'est un partner. GF, c'est notre crew. Là. Ouais. C'est notre recrue de l'année. C'est là, c'est comme s'il fait partie du crew. Ben, de crew. On l'a pogné au repêchage. Un jour, peut-être qu'on va le voir. Ouais, mais là, pour l'instant, il est recherché. L'année prochaine, il va être là. Non, mais selon GF, selon Renaud Lavoie, ça serait bizarre. Selon GF, qui selon Renaud Lavoie. Ben, Jarome McGinley et les Rules de Boston discuteraient pour une nouvelle entente. On s'en calisse. On s'en calisse. Hey, Jarome McGinley, ben, tellement été zéro pour les Bruins. Jarome McGinley, il est genre UFA cette année. Il fit dans les Bruins. Mais Jarome McGinley, il y a des chalifous qui disent Iggy avec le CH, ça le ferait bien. Non. Non. Fais-le. Oui. On est tanné d'avoir des dons. Oui, oui, mais c'est trop vieux. C'est fini. C'est fini. Oui, c'est comme si tu dis le cavalier avec l'OCH. OK. Comme, ah non. Okay. Hey, hey, surprise les boys. Une autre nouvelle de JF Mallette. Annoncé à Hockey 360. Martin Brodeur testera le marché des joueurs autonomes. T'sais, au moins, il cite ses sources, c'est déjà bon. Yes, moi, je suis content parce que j'ai... Ouais, prétends pas que c'est lui. Parce que non. Moi, j'ai Corey Schneider dans mon pool, le style, pis j'ai hâte qu'il goal, le style. Non, ben, good, ben, je trouve ça plat pour lui. Sad Youpi. Moi, j'accrocherais mes pads, je serais lui. Ah, mais Marty, man, il y a le feu sacré encore. Pourquoi tu fais continuer à jouer? Tu vois, tu l'as plus. Il achève, là. Mais le feu sacré encore, man. Non. Cette année, vraiment. Lui, là, il se passe encore dans les tournois, pis oui. Son style de jeu, là, est un petit peu dépassé pour la Ligue nationale, là. Ben non, c'est, hey man, c'est le dernier des Mohicans. Je le sais, mais c'est ça. Je le sais. Hey, ça après, c'est fini, là. Je le sais, ça. Faut un respect. Ouais. Prochaine nouvelle. Selon les informations, Mike Richards et Brad Richards, hey, deux Richards, toi. C'est des frères, ça. Non. Marcel Richards. Pourraient voir leur contrat racheté après la Marcel finale Richard. De la Coupe Stanley. Pour ça qu'on lisse. Hey, Brad, c'est vrai. Brad, il y a eu des bonnes séries, pour vrai. Je trouve ça bizarre que les Rangers l'aient racheté. Ben, Brad Richards, c'est ça. Il aurait fait ces déclarations-là pendant la playoff, comme pendant la finale. Ça, c'est des rumeurs. Ouais, ben, c'est beaucoup de rumeurs. Hey, GF, là, je te dis ça, t'as pas l'air des rumeurs de Hockey Buzz. C'est une fourth period. J'en ai une bonne qu'on pourrait parler direct. Hockey Buzz, Eklund. Niskanen pourrait tester le marché des joueurs autonomes. Niskanen? Ouais, à Pittsburgh, ils sont un petit peu dans la merde avec Niskanen. Le plafond salarial. Ça vous intéresserait-tu, ça, vous autres, Niskanen? Moi, j'aimerais mieux... Dépend quel prix. Moi, j'aimerais mieux Olli Mata, leur défenseur. Là. Ouais, Niskanen? Je parle d'un joueur qui est libre, là. Ouais, c'est ça. C'est quoi, les Penguins sont sur le bord de leur plafond salarial, puis il reste 14 joueurs signés, je sais pas trop. Non, mais les Penguins, tout, faut qu'ils se débarrassent de Crosby ou Marc. Il reste 15 millions, ça amasse. Ils ne jamais de Crosby parce que. Ben Crosby, moi, Mario Lemieux ne le laissera jamais. C'est mort, c'est adoptif de Marquis qui va s'en aller. Les Penguins ont juste 14 joueurs de signés, puis il leur reste 15 millions, ça amasse. Ça, c'est débarrasse un million par joueur. Ben, c'est ça. Puis là, c'est le temps et tout. Là, non, le temps va rester. C'est le pilier. Crosby va rester. Le temps va rester. Ouais, mais le temps, non, ça prend de l'âge. Puis à son nom, VC, là, sérieusement. Là. Oh, ouais. Ouais, non, parce qu'ils peuvent pas aller chercher mieux que Fleury. Ouais. Sérieusement. Pas pour l'instant. Dans un sens. Ils peuvent pas aller fait chercher mieux. Fait que libère-toi, Malkin. Je vais te donner Pacioretty. One against one. Hey, man, t'es pas un NHL. Je te fais une faveur. Hey, non. Là, je te fais une faveur, là. Je te fais une fleur. Je te fais une fleur. Je te fais une fleur, là. Je te donne Pacioretty puis Foucalé pour remplacer. Bon, le vendeur de char. Hey, avoue, je te donne Pacioretty Foucalé pour remplacer Fleury. Peddler de Calis. Donne-moi Malkin. Next. Would you do moi, ce que j'ai dit. Moi, c'est ce que je te dirais là-dedans. Je te dirais. Non, le cul de la Raphaël. Pourquoi? Parce que Foucalé, même si c'est un défenseur d'avenir, pas un défenseur de gardien. Un gardien d'avenir, il reste que tu sais pas où ce qu'il va. Ouais, mais présentement. Tu peux bien développer ça, c'est ta responsabilité. Pourquoi pas? Je m'en fous, je veux gagner la coupe dans 5 ans. Malkin, pas dans tu prendrais pas Malkin, man, pour Foucalé. Damn right, n'importe quand. Damn fucking right. Malkin, Pacioretty pour Foucalé. Price, là, si tu le gardes avec le CH pendant genre 10 ans, là, man, t'es correct, là. T'as pas besoin de Foucalé avant 10 ans. Killing me! Excuse là. Ok, toi, faut qu'aller joue dans combien loin, de temps là? Non. Moi, c'est parce que je veux la coupe dans 5 ans. Dans 5 ans, ben c'est ça. Ben, je joue la coupe en 5 ans. Dans 5 ans, t'as le temps d'aller chercher un autre date. Parce que dans 5 ans, Benjamin, il sera plus ici. Hey, oublie ça, le Malkin. Hey, arrêtez vos astuces trade NHL 14. Hey, il y en a un des deux qui s'en allent. Les deux sont pas capables de jouer ensemble. Ou 13, whatever, moi, calice. Les deux sont pas capables de jouer ensemble. Il y en a un qui s'en va là. T'as pas rapport là. Ok, je comprends, il y en a qui s'en va, mais c'est. Non, mais Crosby et Malkin ne peuvent pas jouer ensemble. Sérieusement, là. J'adore le trade d'Alex, mais il faudrait que tu donnes plus que ça. Je le sais, mais. Ah non, t'es malade, mon gars. Regarde, on s'en va que pas dans les trades. Ok, mais je mets un choix de première ronde. On s'en calisse, on s'en calisse. Juste une 15 de 24 de non, mais tu mets un choix de première ronde. Ah, j'ai ça, moi, les trades fictifs. Hey, moi, ils viennent ici, on va chercher ça. Mais non, fuck it. On parle pour parler, le calisse. Ouais, je sais, j'ai bien vu ça. Ça veut rien dire, là. On peut-tu rêver? Hey les gars, Jim Rutherford sera le nouveau DG de Pittsburgh et Nouveau DG congédia Bison. Oh, whatever. Un asti d'old fart. Mario Lemieux dit bon, moi j'aimerais ça avoir un asti de DG jeune. Toi, asti, man, là, il est comme primé comme un Christ. Tabarnak, Mario Lemieux fait arraché. Lui, il est là, c'est shotgun, boum, boum, boum. Mario Lemieux. Bouge, bouge. Mario Lemieux fait sa conférence de presse comme quoi qu'il aimerait modeler son équipe comme Marc Bergevin fait, genre avec l'optimisme pis tout. Pis ça va chercher un vieux de 65 ans que c'est ça fait comme 4 ans qu'il n'a pas fait les séries. Hey, Alex. Oh, mais 65 ans, c'est niveau 40, ça. Il est comment l'anglais de Mario Lemieux? Going old school. Hey, Alex, il est comment l'anglais de Mario Lemieux? Il est très bien. Ouais? Ouais, ouais, parce qu'en québécois, là, il vaut pas de la merde. Mario! Le québécois de Luc Robitaille dans son annonce, je serais toujours. Mais ça, je un dis, québécois. Ça va être. Ça va être... Ah, Luc Robitaille, il est quand même resté une trace de ouais, ben moi, je pense que dans la Ligue nationale. Fait que tu sais, ça va être le coach. J'ai beau habiter en Californie, je serais toujours un québécois. Et j'adore les skidoo. Ouais, c'est bon, même. Canam, pas un skidoo. Yeah, c'est des Canam. Luc est décœurant. Parce que c'est fait par Bombardier, c'est que c'est un skidoo. La même pièce de compagnie. Next. Font des avions et tout, tu sais. Hey, je vais leur mettre sur la table, les gars, juste parce que je suis sur l'autre. Ah, non, tu ne pas de ça. Oh, hey, l'agent de Thomas Vanek. Oh, whatever. Hashtag Vanek des calices. On s'en calice. En plus, je pense que j'ai marqué sur ce post-là. Des calices. C'est ça, j'ai marqué des calices. Bon, ça, on s'en calice. L'effet Shanahan. Coin des rumeurs. Oh, coin des rumeurs! Il y avait une belle photo de Marchand qui ressemblait à un coin sur la gueule. J'ai bien aimé la photo. Marchand qui mange un coup point sur la gueule. Serait disponible sur le marché. Les Jets auraient démontré de l'intérêt. OK, Marchand, mais sérieusement, les Browns s'en Marchand, vont... Marchand, s'il s'en va dans l'Ouest... Ouais, mais les Browns, ça va où? T'sais, c'est ça. Hey, ça, c'est un joueur que malgré qu'il est bon, je le prendrai jamais dans mon équipe. Je l'ai, man. Juste pour le cheap shot qu'il a donné. Ah, je l'ai, peste, man. Ah, mais c'est une peste que j'aime pas, man. C'est un nasty innocent. J'aime une peste à la Gallagher. Gallagher, lui, il va trier d'en face. Ouais. Ouais, mais Marchand, Puis t'es dans notre team, genre, là. Souban, là, tu veux juste donner un rip parce qu'il est bon, tu l'as eu en tabarnak. Parce qu'il est in your face. Oui, parce que Souban, c'est un gars qui parle beaucoup. Non, parce qu'il va te frapper puis il va te faire mal. Shit beaucoup. Mais c'est pas, il est ça pas cheap shot. Il est pas cheap shot. Non, parce qu'il va te frapper comme quand il a frappé Marchand. Il est pas cheap shot, mais c'est-tu quoi? Moi, j'aime pas un joueur cheap shot, peu importe l'équipe qui est. Puis si j'en vois dans j'aime bien la pierre, moi. Puis la pierre, c'était son genre. Ça va donner petit. OK, pourquoi que le monde n'aime pas Subban? C'est parce qu'il va frapper comme. Tous les autres joueurs vedettes. Non, parce que. Weber, Dowdy, il frappe pas avec le hip check que Subban fait. Non, mais Subban. Quand que Subban fait ce hip check-là, le monde l'a. Jeff, mets Subban dans votre son. Mon nom, c'est Alex. Jeff, comment Jeff, Jeff, arrête de parler. Là, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas ça, c'est parce que je commence à loucher. Hey, pour vrai, là. Je louche un peu. Non, mais pour vrai, là. Souban, là. Pauvre Dan Browns. Mais allez, Dan Browns. Il. Bon, c'est un perroquet, Carlis. C'est sûr qu'on l'aimera pas parce qu'on va scorer contre nous autres. On a rendu avec un perroquet. C'est comme Shara pour nous autres qu'on l'a eu puis il scorait. On passait dans le past tense, là, parce que c'est plus maintenant. Shara, non, mais c'est comme avant, c'était ça. Arrête de bifurquer le sujet. Tu peux pas mettre Dan Browns. Ok, je te mets. Il joue contre nous autres, il score contre nous autres, on l'haït. Je te mets Souban Dan Browns, tu vas l'haïr autant. Pas parce qu'il est cheap shot, parce qu'il est bon. Non, t'as peu. Non, Souban, c'est un gars qui... Pour ça, je vois l'aïe. Pourquoi tu dis non? Je vois l'aïe parce qu'il est bon, puis il score comme ça, même quand on l'a, puis après ça, il nous sourit dans la face comme « Yeah, I fucking score, bitches ouais, ». C'est pour ça que je vois l'aïe, parce Gallagher, qu'il y a une attitude. Gallagher, s'il jouait pour une autre équipe, je l'aïrais. Pourquoi? Parce que, man, il serait tout le temps dans la face de nos joueurs en train de tu sais que le tabarnak fasse notre goal. OK, mais admettons, je vais te comparer à un joueur qui est pas mal plus proche de Piqué Souban, puis qui se fait pas autant huer que Piqué Souban. C'est pas Drew Doughty. Ah, mais c'est pas le même genre de joueur. C'est vrai qu'il est le même genre de joueur côté jeu. Mais il ouais. n'y a pas le même genre d'attitude. Pas le même attitude. Pas, exactement. C'est l'attitude qui dérange. L'attitude de Marchand dérange. C'est une question d'attitude, ça. Ouais, mais ça, c'est une question de gameplay. L'attitude de Marchand, non? C'est du cheap shot. L'attitude de Souban, c'est du winner. Genre, c'est du genre. I'm better than you, man. C'est très chier. Non, parce que I'm Souban, better than you, bitches. Parce que c'est Souban, over, Souban man, c'est... moi, le gars, je ferais pas mon fan comme vous autres. Là. Oh, dude! Souben, pas ton Fafan. Ça, c'est le monde dit. Tout ça, vous êtes Fafan. Non. Ça, cet aspect-là, je vais le donner à Souben. Ébandé Souben. Souben est un petit peu acteur. Et puis, il aime ça mettre. Il aime ça beurrer épais, genre quand c'est il se fait correct, faire un ça. Check. C'est correct. Parce qu'il en mange, il en a des pénalités et tout pour ça. Puis si je vois comme un joueur. Il en mange des pénalités pour ça. Parce que dans les joueurs des Browns, il n'y en a pas de ça. Non. Dave, arrête d'isoler joueur des Browns. Ben, n'importe quelle équipe, d'où. Moi, je te parle ça. Overall dans la ligue. J'isole des, pas une équipe des en acteurs, particulier. Il y en a partout, je te dis. Man. Ouais, mais non, mais ouais, Subban, il en mange souvent des pénalités à cause de ça, justement. Les refs sont vraiment durs avec lui souvent. Ouais, ben il est marqué par les refs. Garde. Tout a été dit. Il a eu, parce que c'est son attitude de. J'arrive pas. Je dis que je joue contre Subban, je déteste Subban. On a fait le tour de Subban. Moi, j'ai troisième période. Moi, j'arrive pas à comparer Subban avec Marchand. C'est pas le même genre. On est dans le vestiaire, là. C'est un joueur différent. Marchand donnera pas un cheap shot à la. Subban donnera pas un cheap shot à la Marchand, pis c'est tout, man. Donnerait pas un cheap shot. Un cheap shot. Hey, Tim Boson est revenu sur la glace finalement. Ça revient juste pas le mentionner, Boson, mais non, je jouerai jamais dans la ligue. Non, on l'a mentionné souvent. Louis Leblanc numéro 2. Lui, ce gars-là. Next. Whatever. Dine Ball avec les Islanders. Grosse négociation. Ça, ça mean nothing. Même pas dire qu'il était là. Sad Youpi. Il y a des rumeurs qui envoient Chris Letang aux Oilers d'Edmonton. Bah ouais, contre qui? Never gonna happen. Ben, c'est ça. Ça va prendre gros. Les autres, ils vont mettre un autre forward, ils vont prendre Eberle. Non, mais c'est pas compliqué parce que les autres, ils veulent soit. Non, Hall, ils ne traderont pas. C'est Eberle qui s'en va de là. Non, Hall, c'est une mauvaise attitude. Hall, il paraît que c'est le plus vendeur en tabarnak. Eugene Hopkins, mais encore, t'as 3 Yakupov. Ben oui, Yakupov, oublie ça, c'est un pain in the ass là-bas. Non, mais s'ils font ça, y'a-tu quelqu'un qui va en vouloir? Hey, tu sais qu'il ne pas ton meilleur défenseur pour un attaquant, là? Mais tu finis pas, sacrifies pas ton meilleur défenseur comme un bon attaquant jeune. Ouais, parce qu'il y a un problème d'attitude, puis tout le monde a un problème d'attitude. C'est un russe, tabarnak. C'est mal coaché. Est-ce qu'il reste des. Mal coaché. Les Russes ont tous des problèmes d'attitude. Ça, c'est une rumeur niaiseuse. La filière russe. Ça arrivera jamais. Le goulag à gay. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. Sochi. Le goulag gay. Il reste des choses intéressantes. On n'a pas pu parler. Le pingouin pourrait devenir. Serait dans la course pour le prochain entraîneur des Hurricanes. Le pingouin. Effectivement. L'homme de plage. Pas le pingouin, c'est Dumbo avec les grosses oreilles. Sérieusement, puis comme j'ai commenté. Jean-Martin, pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est pas des pingouins, des Carolines. Là, on va. Il l'a appelé le pingouin. Ça, le pingouin pourrait aller avec les Hurricanes, la Caroline. Ouais, Dan Basma. Ça fait très Paul bien en sacrement. Paul Martin. Jacques Martin. L'ancien premier ministre du Canada. Moi, je me suis surpris, mais toi, tu me suis. Moi, j'étais comme celui de Paul Martin. J'aimerais bien voir Paul Martin comme coach à Pittsburgh. Non, mais Jacques Martin, il paraît qu'il. Puis Dan Basma, à la soirée. Quoi? Jacques Martin, il est un candidat à être un coach à Caroline. Paul Martin. Ouais. Jacques Martin. Ok, ça part que Paul Martin, apparemment, qui est gay. Hop, non, c'est plus ça que j'ai besoin. Ok, Paul Martin, il est gay. PM, Jacques Martin va aller jouer pour les Hurricanes. C'est ça, exactement. N'importe quoi. C'est fini, ça? Oh my god, c'est fini, là. Ben oui, là. On devrait juste remercier nos fans d'avoir écouté cette année. Non, tu dis que le propriétaire des Islanders aussi, là, il a vendu sa concession à un autre gars. Non, ça reste officiel. Ça reste une rumeur. Ok, là, c'est une rumeur. Asti, il y a pas ça de même. Ah, mais il serait temps qu'il y ait un vent de changement chez les Islanders parce que c'est. Les Chinois, ils connaissent rien. Mais là, ils sont à Broadway en plus, eux autres. Ils sont à Broadway. Ah oui, ils changent de théâtre. Ben oui. Brooklyn. Ah, excuse-moi. Broadway, ils s'en vont faire un show. Excusez-moi, j'ai confondu avec le Broadway hat. Ah, toi, t'as mélangé tes B. Toi, Chris, c'est Times Square, c'est le coin là. Ah oui, yes. On construit une arena ici. Les Islanders aussi vont jouer sur Times Square. Là, si c'est tout ce qu'il y a pour Around the NHL, on va essayer de finir quand même sur une note positive notre saison. Ouais, genre Alex, ça mange une marde. Ah, j'aurais trois petits sujets que j'aimerais qu'on fasse un tour de table. Moi, ma cigarette électronique encore. Ouais, tu m'en passerais-tu? Tu veux-tu puff? Ouais, je peux-tu avoir une puff? Ah ouais, envoie-moi de la vapeur d'eau dans les narines, là. Hey, fais-moi un shot. I won't. Fait que trois petits sujets rapides. J'aimerais avoir vos souhaits pour le Canadien en 2014-2015, vos souhaits pour la Ligue nationale et puis vos souhaits pour le podcast. Ah, ben, t'as peu. Fait que faisons un tour de table. Je vais commencer. Vite, là. Non, mais on peut parler un peu. Non, mais t'as peu. Laisse-moi commencer. Vas-y, Marc. Va pisser, Alex, pendant qu'il parle. Pardon. Ça, c'est les commentaires de Youpi. Faut choisir là pour critiquer ses commentaires. T'as peu, Alex. Ah ouais, asti! J'aimerais souhaiter pour 2013, 2014, 2015 mes meilleurs vœux aux Canadiens de Montréal et pour la Ligue nationale, Scott Batman. Brian Rolston. Vas-y, on va remplir du temps. J'aimerais beaucoup remplir Brian Rolston. Ok, bon, ok, fait que. Je sais pas ce qu'il y a pire en pense. C'était beaucoup trop long. Ok. Soit du Canadien, Calis. Bonsoir, pis sur le plaisir. J'aimerais aussi dire que j'aime beaucoup Neil Yakupov. Ok, non, pour Montréal, je vais être original. Je vais souhaiter la coupe. Oh, wow! En plus de ça, des gros upchecks de Méline. Puis pour la NHL, je souhaite un monde sans coups à la tête et des protecteurs moins durs au niveau des coudes et des épaulettes. Ok, on fait tout. Pour le podcast. Pour le podcast, je souhaite beaucoup plus de bière. On va refaire les Canadiens. Pour le Canadien, je souhaite notre premier marqueur de 40 buts depuis longtemps qui va performer en série. Oh. Check Little Believer. Là. Moi, je souhaite qu'est-ce que Dave souhaite. Chris, c'est des souhaits, Asti. Je souhaite qu'est-ce que Dave souhaite. Hey, t'as peu, je veux juste. Hey, Asti, toi, t'as assez parlé, Colin. Hey, c'est des souhaits. C'était la dernière année, Paturity. Échangez-les. J'aimerais qu'on poursuive, moi, sur notre belle lancée cette année. Oui, c'est chouette qu'on fasse les séries. Moi, je souhaite qu'on fasse les séries. Ouais, qu'on fasse les séries, puis j'aimerais qu'on se grossisse cet été. Mais en fait, j'en souhaite... Brian Burrow, man. J'en souhaiterais une comme cette année au mieux, au minimum. Ah, je souhaite du hockey de même pour les fans du Canadien pour les prochaines années à venir, pour vrai, parce que... Ça va être le fun. C'est une saison intéressante à suivre. Ouais, ok. Mais moi, j'ai juste. NHL, je souhaite une expansion. Ouais, pour t'as pas dit le Canadien. Ouais, j'ai dit, Esti, faire les séries. Moi, je souhaite piquer Subban sur le cover de NHL 2015. Ouais, on sait pas encore. J'ai dit que le Canadien fasse les séries. Dans ça. C'est ce que tu demandes. 8e, tout ça. Encore lisse qu'il fasse les séries. Vous êtes tellement naïfs, là. Tout, tout, tout, Mars, c'est des souhaits. Lui, il est hipster, genre. Ouais. Faut pas qu'il soit fan. Attends, non, hipster, c'est comme ça, c'est comme. Non, Mark, c'est tellement naïf, là. C'est hipster de pas être trop de fafan. L'accent hipster, ça y est. C'est tellement naïf, là. C'est tellement naïf. Sur le plateau, on voit pas ça comme ça. Je vais retourner lire le voir. C'est raciste de dire que tout le monde sur le plateau, c'est des hipsters. Pour la NHL, là. Moi, la NHL, je dis. Moi, c'est l'expansion. Arc. Non, pour l'achat d'une équipe à Québec, tu sais. Ouais. Mais ça va juste venir par avoir une équipe qui déménagerait pas d'expansion. Moi, je couperais là. Deux teams. Tu vois, c'est le contraire. Là. Bah, moi, qui t'enlèverait? Je couperais quatre teams. Ouais, c'est ça. Quatre teams? Ah ouais. Qui? Nashville. Qui? Panthers. Je couperais... On finit deuxième. Tu couperais les Panthers, par exemple. Islanders, non, mais non. Je couperais Panthers. La dynastie, c'est ça. Je couperais Phoenix. Je couperais... T'as peu. Ça arrivera pas. Il y a une équipe dans Californie que tu pourrais couper. Là, tu pourrais l'envoyer ailleurs. Les Ducks, les Sharks, les Lakers sont super bons. Je le sais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de trois. Tu peux pas couper, man. Ok, tu peux pas couper. Mais je peux-tu pas couper deux autres, c'est sûr, man. Hey, coupe. Les Blue Jackets. Ouais, Blue Jackets. Ouais, Blue Jackets, et voilà. Puis ramène le hockey aussi. Ramène les North Stars du Minnesota, au pire. J'aimerais ça. Ouais, moi, tout. Ou les Whalers. Prends un team de Whalers, man. C'est team de grinders. Tu peux écouter des. Jim McKenzie. Moi, je me suis toujours demandé ça. C'est où Hartford? C'est beau. Je suis allé à Hartford. Il y en a tellement aux States en plus, man. Mais c'est lequel? Springfield. Ah, c'est pas de bon sens. Les Hartford, il y en a partout. Là. Springfield. Dave, podcast, la NHL, as-tu dit? Qu'est-ce que je souhaite pour la NHL? Je pense que je suis le seul qui l'a dit. Ouais, ben. Faisons la NHL. Je souhaite une saison sans commotion cérébrale. C'est comme un vœu pour Batman quand même. Si je m'en quelque chose de que Batman décalisse. Ouais, c'est un bon vœu. Mais tu sais, avec une voix là, comme Batman décalisse. Batman Christon J'aimerais bien voir le hashtag Batman décalisse. Mart, mais non, mais Mart, t'as-tu fait son vœu pour la ligue ou son souhait? Qu'est-ce que tu veux voir? Des coudes moins rigides. Non, mais t'as un peu, j'en ai un autre. Des bandes amollies. Moi, je veux voir plus de one-timer. GF. Hey, moi, pour les souhaits de la ligue, je veux des shoot-out tout le temps. Ben moi, j'aimerais voir une évolution au niveau de la diffusion pour la NHL. En 2014-2015, on peut-tu avoir des angles de caméra différents? On peut-tu avoir des GoPro sur le banc? On peut-tu changer un peu ce qu'on voit de la NHL? Il n'y a pas de même, tout les milieux. Non, mais ben oui, j'y ai pensé. Je vous l'ai dit, Chris, cette semaine, qu'on allait parler de ça. Non, oui. J'ai pas vu ça, moi. Oui, non, j'ai pas vu ça. T'as bien raison, toi. Tu te rappelles, Sty, là, faudrait qu'on ramène le vidéo. Tu te rappelles bien de ce que tu veux te rappeler. Non. Moi, c'est marqué « Seen by everybody ». Il a jamais dit ça. Moi, des fois, « Seen by everybody », je fais juste checker. OK, c'est beau. Non, mais vous irez pas, non, mais... Hey, GF, tu me rappelles avec tes affaires de caméra et tout ça, là, genre le vidéo. Mais justement, Marc, tout est abonné. Genre F1, F2, T'es abonné au NHL Network ou je sais pas quoi là? Ouais. On pourrait-tu avoir une plateforme qui nous fait changer des angles de caméra si on peut Ouais, mais NHL Network change pas d'angle de caméra là. Non, mais on pourrait-tu l'avoir? Il y en a une comme ça, comme un NHL. Je veux l'avoir! Il y a un angle de vue que je trouve que tu n'utilises pas assez souvent là. En arrière du net, par rapport au PowerPlay. En arrière du net, PowerPlay, man! Tabarnak! Cet angle-là est écœurant, tu vois tout! Non, c'est la caméra qui manque, moi, je trouve, là, c'est la caméra qui fait comme toute la patinoire là, de long en. Genre, comme au football qui suit, genre, football. Genre ouais. Le football, c'est un des sports qui a évolué le plus. Parce que Astor, tu me diras pas quoi faire. Oui. Astor, il digitalise les terrains au football, ça permet de mettre les lignes par-dessus quand il y a les jeux. Ouais, ça, ils l'ont essayé avec la POC. Ouais, mais c'était de la calisse de mal. On parle des années 90. Non, c'était début 2000. C'était la crise de marde, mais on est rendu à une époque qu'on pourrait évoluer la diffusion, je pense, de NHL. Pour vrai? Ouais, c'est ça. C'est. Ouais, il cherche. Ouais, c'est les années 90. Vas-y, mais pour vrai. Non, mais oui, l'affaire sur Wire, qu'on pourrait suivre un jeu qui suit la poste. Ouais, je suis pas avec ça. C'est parce que des fois, on aimerait voir aussi ce que les joueurs qui se traînent les pieds en arrière aussi, que tu suis pas. Parce que là, on suit tout le temps comme la POC aussi. Ah, mais tu peux pas ça. C'est le jeu tellement trop vite que tu peux pas perdre la POC. Mais je comprends d'avoir un zoom out. Un zoom out de la patinoire. Une fois de temps en temps. Tu peux ton angle de caméra, puis t'es derrière ton goaler. Pendant qu'ils sont dans l'autre zone, tu verrais là, qu'est-ce qui se passe en arrière. Puis pourquoi on pourrait pas avoir cette option-là? Je suis sûr que ça se fait. Qu'on choisisse zone. Juste une parenthèse. C'est un souhait là, que j'ai. Là. Juste une parenthèse. J'ai un gars de vidéo. Là. C'est un souhait. Quand je jouais genre à NHL, là, mettons, whatever, sur PlayStation. Changer l'angle de caméra. Je mettais tout le temps comme l'angle le plus haut possible. Là. Tu sais, là, le plus haut. Moi, j'aime le plus bas possible. Je suis la POC. Ah non. Be a pro angle. Si quelqu'un s'en vient, j'aime ça voir mes. Des GoPro sur le banc, ça serait cool. Des GoPro. Des GoPro, ça bande. Des GoPro partout, ça à POC. Let's go. Ça a pas. GoPro sur le casque, GoPro ça a pas. Hey, des tout le monde a GoPro dans la chambre. Des GoPro dans la chambre à coucher. Puis pour le podcast. Ouais, faisons un tour de table. Avez-vous quelque chose que vous voulez pour l'année prochaine? Parce que là, je pense qu'on peut dire qu'on va revenir. Et on va revenir. Ça a été impressionnant. 96, j'ai trouvé. Ouais. On devient pas plus, un peu plus vidéo l'année prochaine. Moi, je souhaite ça. Plus vidéo, genre, avec un décor. Ben, oui, c'est un souhait et ça va être un accomplissement également. Ben, le podcast, ça serait peut-être aux personnes qui écoutent le podcast de dire, genre, qu'est-ce qu'on va venez nous parler sur notre Facebook. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Parce que nous autres, on est comme blasés. Faites-nous vos plus et vos moins du podcast. Moi, je regarde jamais la caméra. Un souhait pour le podcast. Moi, j'aimerais ça souhaiter bonne fête au podcast. Nous, dans le fond, 20 épisodes. 20 épisodes. 20 ans. 20 ans qu'on fait ça. Non, mais je vous dis qu'on va, on va changer de décor l'année prochaine. Je vais essayer de faire quelque chose plus face à face à la 110%. Là, ça va ben, alimenter. C'est face à face. Moi, je vais être dans le milieu vu que je dis pas un calice de mots quand vous êtes là, les cartes. Là, fait que là, pour finir ça, c'est quoi? On se fait une ronde de shooter? Genre, on pourrait, non, mais y a-t-il quelque chose? On a-t-il un fort? J'ai une autre affaire que moi, je veux pour. On se fait une traque. J'ai un autre souhait pour le podcast en 2014-2015. J'aimerais que vous ayez chacun vos chroniques séparées. Je pense qu'on pourrait. J'ai pas le temps de faire ça, là. J'essaye de me libérer de la job calice. Là. C'est une femme libérée. Tout moi qui fais des petites stats ici, puis Dave. T'imprimes une feuille, tabarnak. Sérieusement, j'avais essayé de faire ma part. J'avais essayé de printer genre les stats des playoffs. J'ai essayé 5 feuilles, en a amené 3. J'ai essayé d'imprimer les stats des playoffs et la saison régulière. Finalement, j'ai printé 2 fois les stats des playoffs. Fait que ma contribution, c'est un peu de la merde. Mais je ne souhaite pas plus de structure, sinon ça va devenir de la merde. Moi, je souhaite que le podcast reste comme il est. Dans son ensemble, je parle. On peut évoluer un peu. On va s'améliorer. Je veux qu'on reste comme on est. Puis qu'on. Mais là, Chris, trop sentimental, toi, là. Moi, je ne deviendrais pas qu'on peut jouer à radio. Moi, Dave, vrai, pas moi pas Mark, ça, là, voilà, 5 bières, qu'est-ce que ça fait? Écoutez ça. Moi, Mark, je veux pouvoir te dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Ferme ta gueule. Les sacs et les rottes vont toutes rester pour l'année prochaine. Moi, je suis comme un robber, man. Ça me dérange pas, si. Good. Moi, parfait. Qu'est-ce que tu souhaites, Mark? Moi, ce que je souhaite l'année prochaine, je sais pas. Ah, check, il est tellement émotif! Moi, je vais aller, je sais pas, là, des flashlights. Là, tout. Des flashlights? Ouais, pendant le podcast, ça va être bon. Hein, Chris, après, on va jouer à toast. On va inviter des zoophiles. La tranche de pain. Après chaque podcast, je souhaite qu'on joue à toast. Ça, c'est l'initiation pour JF Mallette. Tu sais pas c'est quoi à toast? La tranche de pain. Oh, c'est on pourrait faire la soit ça, prends le puff. Soit ça ou la cerise. La toast, ah, puis hey, d'abord, un autre souhait pour le podcast. Un nouveau site web. Ah, ben oh, oui, j'ai un souhait de site web. Là. C'est pas un souhait, c'est un moi, je souhaite qu'on ait encore nos fans qui nous écoutent. Hey, moi, moi, je sais qu'est-ce que je souhaite. Je souhaite que nos fans actuels parlent de notre podcast à d'autres fans de hockey, puis qu'ils nous découvrent. Puis voir comment qu'on était pas. Mais non, mais le monde écoute. Moi, là, quand j'écoute notre podcast, ça arrive des fois quand je suis pas là. Correction, nous autres, on est toi et t'étais pas. Moi, le but, je merci. Quand t'écoutes le podcast, quand même, moi, je suis pas là, j'écoute le podcast avec vous trois, puis moi, je parle pendant ce temps-là. Moi, pour le reste, c'est ça. C'est que chouette que ça continue, ça. Le monde qui nous écoute, ben, joignez la conversation pendant que vous écoutez. Alex, tu commences à être émotif. Ben, tiens, Alex. Quand même, tu sais, j'aime ça, là. Ben, tiens, Alex. À toi, femme ta gueule! J'aime pas ta question, ça ira plus jamais à Montréal. Non, c'est pas ça, mais. Ben, je vais en profiter dans le fond, là. C'est un peu niaiseux, là. Mais, tu sais, Alex. Je t'aime bien. Ça m'a toujours fait chier que tu te maries avec ta femme. Qu'on n'a pas pu être ensemble, là. C'est ça, là. C'est pas petit. Ok, t'es ta pète. C'est correct. Ben, dis juste avec Alex. Tu sais, il est fan de poutine, toi. Alex, j'ai comme. Tu sais, on a dit quelque chose, hein. On a dit quelque chose ensemble. Il y a un genre de lavé. On se voit, c'est quand même. Hey, allô. Hey, moi, je suis tellement content de te voir. Moi, ça va. Hein? Ben, du coup, c'est comme un love-hate relationship. Ouais, fait que le soir, pendant le show, on s'est dit, après c'est ça, quand on a fini la période, on sort. On va-tu fumer des hors? Ok, ouais. Le soir, c'est qu'on conserve notre belle chimie. Ok, mais là, moi, je pense que. Quoi? Je pense que pour les fans du podcast, il faudrait qu'on fasse comme quelque chose de drôle, là, tu sais, là, pour juste finir ça. Je pense qu'on vient de dire plein de niaiseries. Non, non, mais je pense que juste. C'était pas assez pour toi. Un petit shooter de quelque chose. Ah, j'ai rien à mettre en shooter pour ça. Bon, ok. Ben, dernière gorgée de bière, d'abord. Ben oui. La bière est vide. On n'a plus de bière. Ben sur ce, j'espère que vous avez aimé notre saison. On a essayé de faire quelque chose d'intéressant, mais finalement, la soirée de podcast manque de fond aussi. Là, fait que... On reste une bière, mais dans le frigidaire. La soirée du podcast, on est intéressant tout le long, je sais ce qu'on fait. On va chercher le frigidaire. Ah bon, ben à l'année prochaine. La soirée du podcast, j'aimerais aussi remercier, je pense, Jokar. Et les fans de Boston. Luca Magnotta. Et Jun Lin. Okay, il y a nos remerciements. La main de Jun Lin. La main de Jun Lin et son pied. Calme-moi. Je sais pas pourquoi, mais moi, il faut qu'elle parle à chaque show. Je pense qu'elle parle à chaque show pendant les 15. De... C'est pas quoi. Il est obsédé. Okay. Fait qu'on a comme des remerciements à faire là-dessus. Désolé, Jun Lin. Fait qu'on disait, c'est... On s'excuse auprès de sa famille. Qui nous écoute. J'écoute le podcast à chaque semaine. Magnotta, dans le fond, on connaît comme pas. C'est-tu Magnotta son vrai nom ou c'est comme. C'est souvent un nom d'artiste, c'est comme Prince. Là. Ouais, mais c'est non. Ça. Ah non. Ça s'appelle Sébastien Delorme. On va pas finir ça sur Little Red Corvette de Prince. Little Red Corvette. Ça Josette. Bon. Ouais, ben justement, là, c'est le dernier podcast officiel de la saison. On risque de faire quand même des podcasts, la soirée du podcast en vacances. Là, ouais, ça va s'appeler La Josette. Mais c'est La Josette, c'est notre autre podcast qu'on parle de mais n'importe c'est quoi. C'est qu'est-ce qu'on niaise, là, mais ça va être juste ça. Être juste mais ça. En parlant des faits divers. Et... Ça va être moins régulier, mais on va quand même. Ouais, pas donker, on va le passer le feed quand même. Comme les derniers 10 minutes. Là. Comme 50% du podcast. Ça va passer sur le feed de la soirée du podcast. On est tellement plus dans le hockey. Là. Non, ben c'est fini. Là. On est dans le sport-time. On va parler du baseball. Parlons du baseball. This is not fucking. fucking baseball! Plus de son sur le soundboard l'année procheine, peut-être, je sais pas. Ben, je, non, ça va prendre deux iPads. Ok, non, sérieusement, le soundboard. On dirait qu'on prend des nouvelles, des résolutions pour le nouvel an. Là, ouais, c'est ça. Des affaires qu'on tiendra pas, anyway. Ben, le décor. L'année prochaine, on va revenir, ça va être pareil. On va avoir deux caméras pour un décor. Moi, je dis ça. Trois cams, peut-être. Trois cams. Trois? Oh yeah. Une générale puis deux sur chacun de vous deux, mettons. Il va y avoir des changements. Oui, peut-être. Qui va faire ça? Genre ouais. Avec une Switch. Toi, live en même temps que tu vas poser une question. Jeff Mallette va être en arrière. Tu vas parler encore moins. Hey, d'après moi, ça peut changer en midi. La prolongation est finie. Non, la période a recommencé. Non, non, mais vu que je dis pas un calice de mots dans ce podcast-là, je peux changer les caméras. De quoi tu dis pas? Ok, Jeff. Ok, on va s'adresser à Jeff. Bon, le souhait, c'est que Jeff parle plus. Le souhait, c'est que Mart et Alex parlent moins. Oh, tabac. Tout à notre faute. Les deux troublemakers. C'est ce que c'est ce qu'on s'est fait dire. Mais Jeff, y a-tu quelque chose que ça pourrait te vider le cœur, genre là, pendant toutes les occasions que t'as pas eu la chance de parler, peut-être. Brian m'a fait chier toute la saison. Mais tu sais ce que tu as dit? Non, je parle par rapport au podcast. Non. Mais il parle par rapport au podcast. Il fait chaud en crise dans le studio. Ouais, là j'ai chaud. Ouais. Mais en hiver, ça va bien pareil. Ouais. En hiver, j'ai chaud pareil. Ouais, mais ça. Juste chaud. Non, pour vrai, non. Moi, j'ai bonbon. Je pense qu'on a fait un excellent job toutes les 15 podcasts qu'on a fait cette saison-ci. Ben moi aussi, je suis bien d'accord avec toi. Hein, là. Bon, Dave, ça regardait un rot pour la fin. Puis bon, ben moi, je m'en vais. Non, mais. Bon, soyez boys. Puis. Pour vrai, les gars, excellent job encore cette année. Là, puis on va revenir. C'est ça qu'on fait les poignées. Je me demande s'il y a du monde qui va se rendre jusque-là au dans le podcast. Bonjour. Ben oui, il y en a qui se rendent jusque-là. Bonjour, bonjour. Ben oui, ben oui, ben oui. Attends, t'as peu. La station. Va chercher ça, c'est-tu. Fait que malgré le fait qu'on fera plus de podcast. T'as cul, là. T'as moins fait. Non, je dirais qu'il. T'as moins fait. S'il te plaît, joue avec moi. C'est ça, là. On va laisser le mot de la fin à Jeff. Vas-y. Je sais qu'Alex est assez sucré-salé. Malgré le fait qu'on fera pas d'enregistrement du hockey cet été, suivez notre podcast, notre Facebook et notre Twitter quand même, parce qu'il va y avoir quand même des nouvelles et des rumeurs. Et puis, bon job, les gars. Bon job. Merci bien, merci. Oh! La soirée du podcast, bonne soirée! Dave, renverse la bière, son sel! Hey, ça Tabarnak, man! Suivez-nous sur Twitter, @soirée du podcast. Suivez-nous sur Facebook, La Soirée du Podcast. Suivez-nous également sur Google+, on commence ça bientôt, La Soirée du Podcast. Puis suivez-nous sur RZO aussi, pour ceux qui nous écoutent encore présentement. Il y a une grosse expansion d'RZO. Parce que allez checker celle-là sur YouTube, parce que ça va à peine. Ouais, allez checker la fin sur YouTube. Hey, bon été tout le monde. Bon été, man. Ciao, à l'année prochaine pour la saison 2014-2015 de La Soirée du Podcast.